Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 25. Je procède au rappel traditionnel de notre émission et je vous invite à nous écrire si vous le souhaitez sur Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Comme vous le savez, nous avons une récapitulation de tous nos articles en format PDF chaque semaine, que vous pouvez télécharger et ensuite partager avec vos amis, vos contacts. Ça permet, comme je le dis souvent, d'archiver les articles sur une semaine complète. Alors, bien sûr, il y a des articles qui sont d'un plus grand intérêt que d'autres, mais c'est bien de les accumuler au fil du temps. Peut toujours comme ça les retrouver ou les faire partager à quelqu'un qui n'est pas forcément familier. On n'a pas toujours un ordinateur sous la main, donc n'hésitez pas à le faire, d'autant que c'est gratuit, hein, donc voilà. Je veux maintenant remercier ceux qui nous soutiennent financièrement pour que ce que nous faisions puisse continuer. Tout d'abord un premier don d'un démocrate participatif qui nous envoie 20 euros, nous dit-il, et il nous invite à poursuivre. Heil Hydra, nous dit-il. La deuxième don, c'est Martellus, aussi, qui nous a fait un petit virement, et aussi Grand Presse, qu'on remercie. Il y a bien sûr d'autres dons qu'on reçoit, mais qui restent anonymes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne signalent pas nécessairement leurs dons, donc là encore, on les remercie. Je vais maintenant présenter les participants de cette semaine. Je commence sans transition aucune par MacDav. Salut MacDav, comment vas-tu? Salut mon elfe. Bah écoute, bien. La chaleur va revenir. Chaleur africaine déferle sur la France avec les odeurs qui peuvent aller avec pour ceux qui vivent en ville. Tout à fait, oui. Hopman America est avec nous aussi cette semaine. Salut Hopman. Salut Gandalf, salut les auditeurs et les participants. Hopman va bien, il est prêt à se mettre sous les ordres du grand commandant Oussama Messia pour sauver la France. Ah oui, c'est ton supérieur hiérarchique. Effectivement, à qui je dois donc déférence, respect et bien sûr, s'il veut sauter mes cousines, mes sœurs, ma mère, pourquoi pas, tant qu'on y est, hein, comme tout bon bourgeois chrétien français, je suis prêt à tout lui sacrifier. Très bien, très bien. Même ta vie? Surtout. Bien entendu. Qu'est-ce que surtout la vie d'un blanc face à l'adoration et à l'adulation d'un Charles de Gaulle nègre ou arabe qui serait prêt à nous faire sacrifier pour la grandeur de la France, hein? C'est vrai. La question est posée et je pense qu'on apportera quelques réponses en deuxième partie de cette émission. Je m'empresse de saluer également la présence de Fulbert, national-socialiste belge, non repenti. Ah oui. Bonsoir Gandalf, bonsoir à tous. Et enfin, Derek, négrologue officiel de l'émission, mais aussi cardinal de l'église de négrolatrie. Oui. Église, décidément, église, pourquoi je dis église moi? Église en plein boom. Oui, église en plein boom, puisque nous fêtons là, ces jours-ci, la Saint-Ossam, hein, une fête du calendrier, oui, qui marque le passage, hein, C'est un petit peu le solstice. Le solstice dans notre religion, hein, la Saint-Osam. Bonne fête à toutes les Osam. Hein. C'est le jour le plus long de l'année et c'est là où, en fait, le dieu nègre est à son zénith. Oui, tout à fait. Mmh. Bien. Nous allons revenir sur ce culte qui se répand. Alors, mes amis, je vous propose la première rubrique cette semaine, courrier des lecteurs. Alors, ça m'ennuie parce que je peux pas tous les lire. Alors ça, c'est vraiment ennuyeux. On en reçoit vraiment bien. Je suis obligé de faire un tri, donc je m'excuse déjà auprès de ceux qui reçoivent et qui passent pas. Je suis obligé de choisir, et malheureusement, je peux pas tous les lire dans l'émission. C'est bien dommage. Donc, c'est vraiment un regret que je doive discriminer. Hein. Vous savez, c'est pas bien vu en ce moment, mais je dois discriminer, malheureusement. Alors, premier article. D'ailleurs, qui nous a été fait par un donateur d'ailleurs. Chers démocrates participatifs, je tiens à commencer mon courrier en vous remerciant chaleureusement pour votre travail. Veuillez trouver ci-joint donc un screenshot de mon récent don de $12 en Ethereum vers votre adresse. Oui, on a trois monnaies, bon, vous connaissez ça. Je vous suis depuis le début de votre aventure et j'aimerais apporter une modeste pierre à l'édifice arien que Derek se force de bâtir du haut de sa chaire de négrologie. Je suis moi-même négrologue en exil dans un paradis blanc après de nombreuses années d'études en environnement parisien et j'ai deux anecdotes croustillantes à vous partager. Lors de mon enfance, j'ai dû me rendre un jour dans la mairie communiste d'une petite ville de banlieue sud de Paris pour y suivre un ami dans le cadre de démarches administratives dont j'ai oublié la nature. Ce jour-ci, alors que nous étions calmement assis dans une salle d'attente, une horde de créatures marrons habillées de pulls Royal Wear, de bananes Lacoste en nylon et de baskets requins Nike, qu'aucun blanc qui se respecte ne devrait envier, firent irruption avec fracas et gesticulations douteuses dans le petit hall de la mairie. « On veut parler au maire !» hurlèrent-ils avec le même accent irritant que leurs aïeux de première génération. Le personnel de l'accueil, composé d'après mes souvenirs d'une femme obèse à lunettes et d'un gringalet au bras aussi épais qu'une allumette, comprenant l'urgence de la situation, passa immédiatement un coup de téléphone aux concernés et 5 minutes plus tard, nous virent le maire en personne descendre les escaliers en trombe pour inviter ses chères pupilles à monter à l'étage. La scène qui suivit m'a paru surréaliste. Nous observâmes un bal digne d'un déménagement. Imaginez, une dizaine de racailles halogènes déplacées, des écrans plats, ordinateurs et lecteurs DVD entre deux ricanements pour les embarquer dans un camion à l'extérieur de la mairie. Rendez-vous bien compte de la valeur totale de la marchandise à une époque où la plupart des foyers étaient équipés de téléviseurs cathodiques et de magnétoscopes. Le personnel est resté sans voix durant l'échange et à la fin de l'opération, une des racailles a même craché par terre en guise d'au revoir à la standardiste adipeuse. Je n'ai jamais eu entendu de retour de cet événement, n'étant pas originaire de cette commune, mais avec le recul, je ne doute pas que d'autres maires rouges aient eu recours à ces pratiques pour s'assurer du vote de leur négraille locale. Pour ma deuxième anecdote négrologique, j'évoquerai une partie de mes vacances en Floride. À la veille de notre départ, ma femme et moi sommes descendus dans un hôtel 4 étoiles d'un grand groupe hôtelier international. Une fois nos bagages déposés dans notre chambre, je me dis qu'il est temps d'aller imprimer nos billets d'avion pour notre vol du lendemain matin. En arrivant dans le business center, je découvre à ma grande surprise que les ordinateurs disponibles pour les clients de l'hôtel sont occupés par trois négrillons de moins de 10 ans, dont deux mâles à crête crépue, torse nu, tous regardant de l'UFC sur YouTube, debout sur des chaises en cuir. Pensant être dans un établissement respectable, je regrette déjà l'époque où le seul contact avec le cuir que ces créatures pouvaient avoir provenait de coups de fouet pour leur faire ramasser le coton plus rapidement. Refusant tout échange avec le nègre, je reporte donc naturellement mon entreprise à plus tard et décide d'aller faire un tour dans le zoo de la ville pour y voir cette fois des animaux dignes d'intérêt. En revenant à l'hôtel vers 18h, je repasse par la pièce où se trouvaient les ordinateurs et constate que ces rejetons démoniaques y sont encore présents. Je repars donc en ville pour aller dîner et me dis qu'au retour, je pourrais imprimer mes billets avant d'aller me coucher. À mon retour vers 21h, voyant que les ordinateurs sont maintenant disponibles, je m'installe mais réalise avoir oublié mon téléphone portable dans ma chambre. Je prends donc l'ascenseur pour monter à mon étage et à l'ouverture des portes, je vois deux de ces congoïdes agrippés aux hanches d'un chariot porte-bagages, la tête en bas, fonçant à toute allure dans le couloir, et se poussait par une immonde femelle pachyderme issue de leur même race impie, très certainement la grande sœur. J'avais bel et bien affaire à un chimp-out, ou une chimpanzerie extériorisée en bon François. En sortant de ma chambre, j'ai eu à éviter ce bolide improvisé une seconde fois, pestant contre ces abominations au regard vide d'incompréhension face à mon dialecte issu du vieux continent. Soit. Je retourne donc dans le business center, prépare mes documents à imprimer et m'apprête à regagner ma chambre où ma femme m'attend. Mais après plusieurs tentatives d'impression infructueuses, je constate que la session Windows pour les invités de l'hôtel ne permet pas l'accès aux notifications de l'imprimante. Soupirant, j'essaye d'ouvrir l'imprimante et réalise qu'elle est verrouillée pour éviter que les clients ne puissent la trafiquer. Je demande de l'aide à la petite grosse de l'accueil qui, bien entendu, est incapable de trouver une solution et appelle un technicien de nuit. Vers 23h, le technicien se pointe, ouvre l'imprimante et nous découvrons des feuilles déchirées à l'intérieur bloquant le bon fonctionnement des rouages. Ces abrutis congénitaux ont essayé impatiemment d'imprimer des images pornographiques en déchirant les pages. Moralité, l'humanité perd un temps considérable en côtoyant cette sous-race. Il faudrait interdire les hôtels aux nègres et, si possible, financer un plan international afin de bâtir un mur autour de l'Afrique et vérifier qu'aucune de ces créatures de malheur ne puisse en sortir avec l'aide de drones militaires. Signé, je n'entends rien, Pierre-Yves Rouge et Con. Alors, mes amis, quelqu'un qui n'est pas convaincu par l'apport diversitaire, ni en France, ni même en Floride, en fait. Hein. C'est une constatation internationale. Oui, notre ami réfractaire à la civilisation. C'est vrai. Encore un sauvage. Encore un sauvage. Il n'est pas français. Ah bah, il n'est pas français. Allez, voyons. C'est pas français. Attends, et au Wakanda, ils ont tous des imprimantes 3D quantiques. Tu savais pas? Ils impriment, comment dirais-je, par la pensée. Alors, moi, ça m'a un petit peu rappelé ce que j'ai pu entrevoir moi, dans mon enfance, ce que notre ami a eu dans sa ville aussi, ville communiste. Hein. Oui. C'est banlieue sud de Paris, dit-il. Hein. Bon, voilà, bon, bah, oui, mais t'en as eu partout des villes communistes. Hein, malheureusement. Hein, des villes moyennes, tu sais, des trucs de ça. Comment ça, malheureusement? Comment ça, malheureusement? Oui, pardon. Pardonnez-moi. Donc, ces villes communistes, bien heureusement, il y en avait énormément. Il y en a beaucoup moins, hein, pour le coup. Ces gens ont été les précurseurs, si tu veux, de la civilisation en important des métèques. En leur passant absolument tous, déjà ils les ont logés. Hein. Moi, j'ai souvenir de Boukak qui a été dans des HLM très très beaux par ailleurs, qu'ils ont tout de suite détruit. Et quand ils ont détruit, bon, on revenait faire les travaux derrière, hein, parce que ouais, quand même, faudrait pas que ces gens-là vivent dans la précarité. Ils ont cassé les carreaux chez eux, bon, c'est pas leur faute. Hein, c'est pas... Les types arrivent à casser les carreaux par terre. On va savoir comment. Je ne sais pas, ils jouent avec une pioche. C'est bizarre, quoi. Et ça, tu avais aussi les écrans plats. Nous, c'était les... comment ça s'appelle? C'était surtout les maisons... Comment ça... Mince. Les voyages, tu sais, les voyages de vacances. C'est mener des nègres à la neige, hein. Avec le pognon du contribuable, du con qui paye des impôts dans la ville, tu as ça, c'est tout un tas de trucs, des ouvertures de mosquées gratuites, les mairies communistes, c'était vraiment une plaie incroyable. Ceux qui ont vécu ça, ils savent de quoi je parle. Quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Qui d'autre sur les apports mirifiques? Je me rappelle qu'on avait eu un courrier de lecteur comme ça de quelqu'un qui était d'un auditeur qui était déjà allé en Floride, qui avait aussi failli à partir les hominidés locaux. Non, pas spécialement. Fait, il y a un truc moi, qui me fait rire dans cette histoire. Ça me rappelle ce qui m'est arrivé une fois. C'était un maire socialiste chez moi, mais. Je vois le maire, en fait. Et donc, je m'approche du maire et je lui dis « Mes respects, monsieur le maire, je voudrais m'entretenir avec vous par rapport à des nuisances, par rapport à les troubles de voisinage, patati patata. » Donc, je lui parle avec le respect qui est normalement dû à sa position, en fait, nonobstant ses qualités personnelles ou ses orientations politiques, dans l'espoir qu'il écoute, en fait, qu'il me témoigne le même respect que je lui témoigne et qu'il écoute, en fait, les problèmes que je viens lui rapporter. Et ce qui m'avait fait rire, c'est qu'il m'avait... Même, c'est pas qu'il m'avait pas écouté, c'est qu'il en avait rien à branler. En fait, j'avais bien compris que ce que je pouvais lui raconter, voilà, ça lui passait... ça lui rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Et quasi dans le même temps... un groupe de bougnoules, 5, 6 ou un peu moins d'une dizaine de bougnoules qui traînaient justement près de l'endroit où j'habitais et qui étaient la source des déprédations, qu'elles soient au niveau mobilier ou qu'elles soient d'un point de vue du tapage nocturne. Ces mecs se mettent à le haranguer en mode « Ouais, vas-y, viens là, viens, faut qu'on te parle. » Et là, c'est passé quelque chose d'assez formidable, en fait, c'est-à-dire que donc moi, le blanc, bien éduqué, qui parle, qui demande en fait à ce maire en fait son attention, eh bien, je me fais envoyer à de patresse. Il dit d'accord, on en reparlera. Contactez mes services, voilà, genre de choses. Il se barre. Et donc on a ce maire, donc l'édile de la ville, celui qui est censé représenter la plus haute autorité politique de la ville, qui se fait enfin, c'est à peine s'il s'est pas fait siffler, quoi, par des bougnoules. Et il était très content. Il s'est empressé d'aller parler à ces bougnoules qui avaient je ne sais pas quoi à lui dire. Et je crois que là, ça a été bon. J'étais déjà de droite. Hein. À l'époque, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. J'avais déjà commencé à voter Sarkozy, hein, mais je votais pas encore Jean-Marie Le Pen, je crois. Et là, ça m'a conforté dans le fait que. Quand t'es blanc et que tu es poli et que tu y mets les formes avec les gens qui représentent l'autorité politique, je parle pas de simples fonctionnaires d'administration qui effectivement avec eux ça peut passer. Je veux dire, tu leur parles gentiment, ils vont être plus à même d'être moins cons avec toi, tu vois, hein, parce qu'on sait tous en France que l'administration c'est une catastrophe. Mais quand on tape dans la haute administration ou dans les sphères très élevées de la représentation politique, eh ben, il vaut mieux être un bougnoule mal éduqué, mais qui va représenter quelque part une clientèle électorale, hein, pour ces gens-là, que l'autochtone bien propre sur lui, bien gentil. Et c'est un petit peu le même phénomène qu'on a pu observer avec les gilets jaunes, les bonnets rouges et compagnie, c'est-à-dire que dans ce pays-là, les seules personnes que l'on respecte, c'est ceux qui sont capables de se communautariser, d'agir donc de façon tribale, et d'être prompt à la violence ou de représenter de potentiels troubles à l'ordre public ou de menaces. Tous les gens bien élevés, bien polis, bien propres sur eux, intelligents, ils peuvent aller se faire enculer. Oui, oui, oui, il y a une prime à l'infection de la racaille. Moi, j'en avais vu comme ça à New York. J'étais allé en voyage à New York, mais il y a très longtemps, hein, j'étais jeune. Et je découvre des racailles de banlieue française dans un magasin de jeans. Et je les ai reconnus à quoi c'était les seuls qui étaient en train de hurler dans le magasin. Hurler, littéralement, avec l'accent caractéristique. Vous savez, c'est... Je sais pas s'il y a des linguistes qui se sont intéressés à cette question. Comment s'est formé l'accent des banlieues, qui n'est pas tout à fait l'accent du bled algérien, même si je pense qu'évidemment, il y a un lien direct. Mais c'est absolument... c'est une véritable... Moi, enfin, quand j'entends l'accent de banlieue... J'ai les oreilles qui saignent. Et c'est à ça que je les avais reconnus. Ces gens-là, en fait, suscitent naturellement un stress. Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Immédiatement, vous les mettez quelque part, même s'il y a, je sais pas, dans un endroit où il y a 300, 400 personnes, d'accord ? Même en pays étranger, voire surtout en pays étranger, rien que leur attitude et rien que leur façon de parler, immédiatement, vous avez plusieurs tonnes de stress qui s'abattent sur la place. C'est incroyable. Ces gens sont tout simplement insupportables, pour pas dire plus, et ils ont quasiment carte blanche. Il y a aussi d'autres exemples comme ça. Là, je crois même qu'il y a des reportages sur YouTube qu'on peut voir. C'est ce qui concerne la Thaïlande. Je ne sais pas si les gens le savent, mais les dealers afro-maghrébins de banlieue sont des grands consommateurs de prostituées thaïlandaises. Oui, prostituées parce que c'est, parce que c'est... E.E.S. Hein. Alors oui, ils aiment... Oui, ils bah adorent, oui, ils oui. Aiment... Oui, ils aiment beaucoup ce qu'on appelle les ladyboys. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Je sais pas si vous savez ce que c'est les ladyboys. Les ladyboys, en fait, c'est des travelots. C'est des travelots thaïlandais. Ce sont des grands consommateurs. Donc les Afro-Maghrébins, surtout les Algériens, sont des grands consommateurs de travelots. Il faut sortir des clichés. Hein. Si vous avez des idées reçues sur la virilité maghrébine, c'est complètement faux. C'est des gens qui sont des grands consommateurs de pratiques homosexuelles. Mais pas n'importe lesquelles. C'est-à-dire que eux, c'est... Pardonnez-moi, hein, c'est sodomiser des hommes, qui surtout déguisés en femmes. Et alors, si ça vous intéresse aussi, en France, mais là plutôt vers Paris, dans le bois de Boulogne, les grands consommateurs de travelots sud-américains, ce sont les racailles de banlieue. Les gens ne le savent pas, ça. Alors, est-ce que ce ne serait pas aussi une population qui aime les gens qui se travestissent leur identité, enfin, bon. Alors là, on va plutôt vers l'Afghanistan, déjà, ou le Pakistan, ou... Ah non, moi, j'aurais dit les espèces de gens là qui traînent qui aiment bien, tu vois, on met un arabe et on lui dit, l'arabe il dit je suis français. Ah oui tu es français, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, mais il y a une plasticité pour certains effectivement qui consiste en fait à dire pousse-toi de là que je m'y mette, avec toujours leur coutumière bonne manière, effectivement. Mais bon, enfin, pour en revenir à mon sujet, enfin, je veux dire, la France exporte ses talents, exporte sa racaille, et elle exporte mondialement, et il en faut très peu pour saloper un endroit. Il en faut très peu pour saloper un endroit. Et la Thaïlande, alors moi j'avais vu ça c'était assez fascinant, peut-être qu'en commentaire de l'émission, d'ailleurs, quelqu'un qui connaît le reportage pourra le retrouver, le mettre. C'est donc ce reportage en Thaïlande où vous avez des chauffeurs de taxi thaïlandais qui sont spécialisés dans la clientèle afro-maghrébine des grandes banlieues françaises, notamment parisiennes. Et en fait, ces gens-là parlent ces chauffeurs thaïlandais, comme vous savez, quoi, le chauffeur il connaît tous les endroits, il connaît les bordels, etc. Donc il peut faire visiter les lieux, aller directement. Là où veulent aller, donc, présenter à ces Arabes ce qu'ils recherchent. Et alors, c'était très intéressant parce que, et cocasse, parce que ces Thaïlandais ne pratiquent un français rudimentaire qu'ils ont appris au contact de ces Afro-Maghrébins. Donc, c'était étonnant d'entendre des chauffeurs de taxi parler comme des racailles de banlieue en Thaïlande, à Bangkok. Ils avaient appris l'accent. En fréquentant simplement les Maghrébins. Étonnant, hein. Donc voilà. Donc oui, c'est universel. Alors là, en Floride, c'était pas des Français en l'occurrence, mais bon. Puis alors, c'est des gens, ils ont besoin d'insulter, quoi. Ils ont besoin d'insulter. S'ils insultent pas, ça va pas, quoi. Voilà, ça c'est... Voilà. Mais c'est un phénomène, je crois... Alors, le phénomène criminogène de l'immigration afro-maghrébine n'est pas spécifiquement français, ça c'est sûr. Mais le phénomène de ce qu'on appelle la racaille, c'est spécifiquement français. C'est spécifiquement français. Il y a pas vraiment d'équivalent en Europe. Il y a pas vraiment. On a créé ça. Alors mes amis, je vous propose de lire le second courrier de cette semaine. C'est Titus Cœur de Lion qui nous écrit. Alors je commence son courrier. Bonjour à toute l'équipe de Démocratie participative, et avant tout, merci pour votre travail. Je vous écris ce courrier pour partager avec vous quelques moments de vie instructifs que j'ai pu constater dans d'autres contrées de ce cher vieux continent. Je suis un jeune homme originaire d'Île-de-France, donc habitué à un certain nombre de choses. Les nègres, les gnoules et les juifs ont fait partie de mon entourage scolaire et social depuis mon plus jeune âge. J'ai donc pu faire de l'anthropologie avant l'heure, quoi, et observer les coutumes que ces chers halogènes ont importées chez nous, non sans conséquence pour nos portefeuilles et pour notre odorat. Croyant le cas de la France unique et désespérée, j'ai cru bon, après le lycée, d'aller découvrir d'autres pays. Ma première destination a été l'Italie. J'ai eu la chance d'y connaître des blancs décomplexés, pour qui dégommer des nègres, dealers de drogue et emmerdeurs de jeunes filles n'est pas un problème. Le marxisme institutionnel étant beaucoup moins enraciné qu'en France, une grande partie de la jeunesse peut être qualifiée de patriote. Mais hélas, pas uniquement. Florence, par exemple, est une ville gangrénée, remplie d'étudiants gauchistes qui justifient les attitudes infâmes des nègres et des bicots par des « mais les Italiens font ça aussi ». Ou encore « c'est à cause des fascistes dans ton genre s'ils se comportent mal ». La présence indigène est massive, on trouve de tout. Des Sénégalais aux Somaliens, en passant par le Mali, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Nigeria et le Soudan. Pareil pour ce qui est des Arabes. Moi qui croyais que les Algériens de Barbès étaient les pires, j'ai dû revenir sur mon avis après avoir remarqué les migrants libyens, tunisiens et égyptiens. Ah ! Passant leur journée sur les passant leur journée sur les parvis des gares à fumer du shit et à sniffer de la cocaïne, en attendant qu'une petite mémé italienne leur passe sous le nez pour la dépouiller. Bref, voilà pour ce qui est de mon expérience italienne. Je me suis par la suite rendu plus au nord, dans la partie néerlandophone de l'Europe, une véritable descente aux enfers, un gauchisme endémique qui prospère, où certaines zones sont peuplées majoritairement par des étrangers. Quartier ethnique à la française, où le trafic de cam et la haine du couffard prospèrent. Le tout sous le regard impassible des autochtones qui sont bien contents que leurs filles ramènent à la maison un Marocain ou un Turc. Attention par contre, ça commence à brailler quand il s'agit des migrants polonais ou yougoslaves. Après tout, la frustration raciste accumulée doit bien être défoulée. Les femmes néerlandaises ont globalement les mœurs faciles et tout fantasme sur l'éther nègre. Les mâles néerlandais observent le phénomène berlué, ne voulant pas comprendre que si eux-mêmes arrêtaient de tailler des turlutes au bamboula, les choses pourraient aller différemment. Enfin bref, voilà une petite partie de ce que j'ai vu à l'étranger. J'espère que le courrier vous a plu et que la résistance anti-youpine perdure bien à vous. Intéressant ça, un petit tour d'horizon court, mais dans deux pays. Partie ouais. Donc Pays-Bas et Italie. Alors non, qui veut me... Bah, je vais commencer si ça ne dérange pas. Oui, oui, vas-y. Par rapport à ce... Bon... Il parle de Florence, tout spécifiquement. Voilà, ouais, Florence, en fait, c'est particulier comme ville, hein, parce que, bon, je connais pas trop l'Italie à titre personnel, je mets pas trop les pieds, pas régulièrement, mais des retours que j'ai eu de camarades, Florence est une ville particulièrement gauchiste, quoi, c'est-à-dire que c'est... alors, je sais pas si c'est le fait que ce soit une ville culturelle, etc., mais tu as effectivement de la grosse gauchiasse qui aime son nègre, quoi. Oserais-je dire que c'est très francophile presque comme approche, mais c'est peut-être pas tellement ça, mais bon, il y a quand même des liens qui se font, quoi, hein. Nous, quand on parle de Florence, on pense de suite à la Renaissance, ouais. Hein, à ce qu'on a eu. Ah, tout à fait, ouais, voilà, parce que c'est une ville architecturalement magnifique. Voilà, tout à fait. Donc bon, c'est la ville de Matteo Renzi, je crois. Non, ce n'est pas là où il a été élu maire. Ah, je sais plus ça. Si, je crois que cette grosse tafiole social-démocrate ignoble qui est Matteo Renzi. Ouais. Et l'ancien maire de Florence, si je ne me trompe pas. Intéressant. Moi j'y ai été, au plan architectural, c'est une très belle ville. Il y a un musée incontournable aussi qui s'y trouve. Bon, il y a le Palais Médicis, c'est toute une série de choses à voir. Enfin, il faut voir, quoi. C'est une très belle ville, et c'est vrai que déjà à l'époque, on voyait alors les fameux vendeurs à la sauvette africains, mais j'ai pas été dans les quartiers, j'ai pas pu voir vraiment là où vit le peuple, donc j'ai pas pu voir l'état à l'époque d'avancement du remplacement de population, mais pour moi... là, toutes ces années écoulées sous l'influence en fait de la social-démocratie italienne ont dû être assez terribles, et je pense que c'est un peu le panorama que nous en fait notre auditeur. Mais malheureusement, je peux pas m'exprimer plus puisque j'y ai pas été depuis un moment déjà. Donc, mais en tout cas, c'est vraiment un gâchis terrible, hein, parce que c'est une magnifique ville et ouais, c'est. J'ai envie d'ouvrir. Je pense que Captain aura d'autres choses à dire, mais j'ai quand même envie de souligner un point. Moi, je suis très content que Salvini ait été soit entré au gouvernement. Il a fait un bon travail pour stopper l'immigration. Peut-être sera-t-il, comment dirais-je, Premier ministre dans quelques temps. Peut-être a-t-il des projets, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que stopper l'immigration, en fait, ne résout que... met un terme à un problème important, au moins temporairement. Et je dis bien que c'est temporaire, parce qu'après tout, il peut y avoir un rebasculement électoral. Mais surtout, on voit que les millions de créatures parasitaires qui ont pénétré dans le pays restent là et continuent de ruiner, en fait, les villes, malheureusement, qui y sont exposées. Donc, malheureusement une demi-réponse. Et la question de la, comment dirais-je, de l'expulsion massive de ces indésirables reste entièrement posée. Et malheureusement, elle n'est pas à ce stade reprise par des parties d'importance en Europe. Bon, je vais peut-être un peu vite en besogne, hein. Moi j'attends de voir aussi comment ça va évoluer en Italie, mais Salvini se contente uniquement de ce qu'il fait actuellement, malheureusement ça sera insuffisant. Il y a quand même du racisme en Italie. Excuse-moi, Magda. Ouais, il y a quand même du racisme en Italie qui est naturel, hein, de la part du racisme populaire. C'est ce que tu veux dire. Racisme populaire, chose qui nous fait de plus en plus défaut en France, en tout cas. C'est vraiment flagrant. Hein. Il le souligne, il dit le poids du marxisme institutionnel est bien moindre en Italie, tout simplement parce que le poids de l'État est bien moindre en Italie, tout simplement. Hein. Parce qu'en France, les gens ne s'en rendent pas compte, les Français ne s'en rendent pas compte, pas nécessairement compte, certains le savent, mais l'expérimenter c'est autre chose, et les gens ne se rendent pas compte à quel point l'État, dont vous savez qui le contrôle et dont vous connaissez l'idéologie, à quel point l'État contrôle la vie des Français au quotidien, que ce soit directement par les politiques publiques ou par des pseudopodes gouvernementaux. Hein. Ce sont des associations subventionnées, stipendiées, les médias subventionnés par l'État. Aujourd'hui, il n'y aurait pas un journal qui tiendrait debout. Vous savez, tous ces journaux qui déversent leur propagande pro-migrant, toute la presse régionale fait du pro-migrant. Hein. Il n'y a pas un journal régional qui tousse face à ce scandale. Quelle invasion des nègres et des arabes dans les villages les plus reculés. Hein. Il n'y a pas un journal qui s'y oppose. Je veux dire, je parle de la presse locale ou de la presse régionale. Bon, bah ça c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont maintenus à bout de bras par cet État crypto-marxiste qui les finance. Et en Italie, visiblement, l'État n'est pas aussi centralisé, l'administration n'est peut-être pas aussi efficace, donc elle ne peut pas appliquer une politique aussi coercitive et peut pas finalement mouler tout le monde comme les sociodémocrates italiens et les communistes le voudraient, quoi. Je sais pas, mais en tout cas il y a clairement une distinction et je pense, parce que les politiques au bout d'un moment elles produisent leurs fruits, je pense que l'érosion en fait du sentiment identitaire est probablement moins forte en Italie qu'en France. Alors on me corrigera, s'il y a des auditeurs qui sont familiers, ils pourront dire oui, non, peut-être, c'est plus nuancé que ça sur tel ou tel point, je ne sais pas. Bon, ça c'est, on pourra nous répondre, soit par courrier, vous pouvez commenter un point de l'émission précis en disant tiens, là vous avez dit ça dans la dernière émission, je voulais apporter une précision. Là je parle de gens qui voudraient commenter motivés par leur propre expérience, quoi. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas. Qui veut donner son avis sur commentaire sur cette expérience en Italie ou aux Pays-Bas? Oui, alors il y a en Italie, je crois que l'antifascisme est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus atténué qu'en France. Ce qui est très paradoxal puisque l'Italie a vu naître le fascisme, mais il n'y a pas cet antifascisme délirant qu'il y a en France avec dissolution de ligue. En Italie, il y a des mouvements qui se réclament néo-fascistes, ils ne sont pas dissous par le gouvernement en place. Après, en Italie, le parti qui est dans les faits au pouvoir, c'est peut-être la Lega, mais dans, d'un point de vue juridique, Salvini n'est que ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre est un gauchiste. C'est un mec du mouvement 5 étoiles. Un ectoplasme, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais en Italie, il se passe beaucoup de choses. Il faut regarder ce qui se fait, notamment la création d'une monnaie parallèle. Ça ne se fait... c'est très intéressant à voir. C'est ce qui se fait, c'est de l'anti-Asselineau. C'est-à-dire que ils sont en train d'inventer de nouvelles formes de façon très très très souple. Hein. Ils font ça un petit peu en loose day. Et c'est très très très intéressant à suivre. Et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses en Italie. Oui, et ça, il faut pas le sous-estimer. Effectivement, en Italie, il y a eu l'État fasciste pendant plus de deux décennies. Et ça a nécessairement laissé des traces, puisque Benito Mussolini, le parti fasciste et l'État fasciste ont formé des élites, ont formé une jeunesse. Donc quand les bolcheviques ont pris le pouvoir avec l'aide, comment dirais-je, des ultra-capitalistes anglo-américains, en 1945, il est quand même resté quelque chose. Donc, je pense qu'en Italie, je ne crois pas trop me tromper, sans exagérer, je veux dire, hein, je ne suis pas en train d'essayer d'embellir le tableau, mais je pense qu'il y a quand même une... je ne parle pas de Berlusconi, quoi, hein, donc, qui est un affairiste, mais il y a quand même une véritable droite, et il y a des formations qui sont effectivement des formations néo-fascistes, etc., bon, qui assument complètement le passé glorieux, d'ailleurs, de l'Italie fasciste. Salvini est intéressante, puisque c'est quelqu'un, au départ, qui vient d'un mouvement un peu particulier, qui est la Ligue du Nord, qui défendait son projet de Padani. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet-là, je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs le connaissent, qui était en fait le projet sécessionniste de l'Italie du Nord, parce qu'il y a quand même des grandes différences en Italie... au plan culturel, voire même au plan racial. Ethnique. Hein. L'Italie du Nord, oui, racial. L'Italie du Nord est extrêmement blanche. Extrêmement. Voire même parfois celto-germanique. Germanique tout court. Clair, tu as des zones pour les proches du Tyrol. Bon, ce sont des Allemands. Ouais, des Allemands, voilà. Voilà, donc, puis il y a eu quand même toutes les invasions celtiques, etc. Enfin bon, ça laisse tout ça des traces. Donc, et puis la partie industrieuse du pays, la partie industrielle est vraiment dans le nord. Bon, après je vais nuancer parce qu'il y a beaucoup de gens du sud qui sont remontés dans le nord pour travailler dans les usines, etc. Mais la Ligue vient de là. Mais c'est intéressant qu'elle vienne de là. C'est-à-dire que quand même, l'impulsion raciale vient du nord. Et le mouvement 5 étoiles, qui est une espèce de mouvement populacier... un peu gauchisant, voire parfois franchement gauchisant, ça vient du sud. Enfin, c'est intéressant quand même, hein. Bon, comme quoi. Et en fait, Salvini a voulu faire une mutation, c'est-à-dire qu'il est sorti en fait d'un séparatisme qui était un peu original, hein, à sa façon, pour créer un grand mouvement italien populiste de droite anti-immigration, et qu'aujourd'hui, je crois, il a réussi à porter à plus de 30% des suffrages, ce qui va, bon, je pense qu'il y aura des élections législatives tôt ou tard, qui va en faire le premier parti du pays, quoi. Bon, à voir où ça va aller, mais je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que les racines du mouvement padanien et de la Ligue du Nord sont quand même des racines très à droite, très identitaires, avec beaucoup de gens qui se revendiquent du néopaganisme, etc. Bon, ce sont des gens quand même qui sont très très très à droite. Donc, Salvini a pris des photos posant à côté de slogans néo-fascistes, etc. Il a été en contact avec des gens de Casa Pound, je crois. Bon, enfin, c'est tout ça pour dire, c'est vrai que le climat culturel est complètement différent. Matteo Salvini peut être en contact avec des néo-fascistes sans dire, moi je suis néo-fasciste. Mais il peut être en contact avec eux, discuter avec eux, ça c'est possible, c'est acceptable, parce que le fascisme a quand même une présence en Italie. Bon, l'histoire française est très différente, nous on n'a que le parti communiste et les gaullistes. J'exagère à peine, hein. Voilà, on a les gaullo-communistes depuis 1945, et les socialistes au milieu, voilà, débrouillez-vous avec ça. Bon, c'est sûr, c'est pas le même climat, quoi, c'est pas le même climat. Peut-être sur la partie Pays-Bas. Je ne suis pas familier des Pays-Bas, pour ma part. Je ne sais pas si quelqu'un ici y a été. Non. Alors, bah, Fulbert, peut-être un peu plus. Alors, pas pour ce qui concerne peut-être les Pays-Bas, mais la partie néerlandophone, par définition, en Belgique. Mais du coup, est-ce que, comme quand même les frontières de la Belgique touchent les Pays-Bas, est-ce que tu connais un peu la situation sur place? Est-ce qu'il y a des différences notables ou je ne sais pas, enfin... Bah, écoute... Moi, je suis allé aux Pays-Bas plusieurs fois, mais généralement, je n'ai fait qu'y passer. Donc, je peux pas dire que je connaisse. Maintenant, si l'on fait, comme tu le demandes, un rapprochement avec la Flandre, belge, eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que les Flamands ne sont pas des grands... comment dirais-je? Ils n'ont pas énormément de sympathie pour les Hollandais. Pour les Néerlandais. Ça tient sans doute à la religion. Les Hollandais sont calvinistes, les Flamands sont catholiques. Ça tient à d'autres choses. D'ailleurs, c'est pas difficile. La Belgique a trouvé son indépendance. C'était une communion de Flamands et de Wallons. On n'appelait pas Wallons à l'époque, mais peu importe. C'était une communion entre ces deux parties contre, justement, le roi des Pays-Bas de l'époque, hein, Guillaume d'Orange. Donc je ne saurais guère te dire quelque chose de concret dans le sujet qui nous préoccupe maintenant, je suis désolé. Non, non, c'était... Mais moi j'ai remarqué, enfin, il y a une... Enfin, bon, il n'y a pas de différence fondamentale, puisque toute l'Europe occidentale est soumise au même processus de migratoire, d'invasion, de remplacement, ça c'est clair... Mais il y a quand même toujours des nuances par pays. Déjà, par exemple, en fonction des pays qui ont pu être colonisés. L'Italie a eu une petite présence très éphémère en Libye, un peu en Éthiopie, mais bon, c'est quand même assez dérisoire. La France, bon, pas besoin de la rappeler, vous savez ce que c'est. Les Pays-Bas, par exemple, c'est beaucoup plus déjà dans l'Asie-Pacifique, en Indonésie, etc. Donc bon, c'est encore une autre histoire. Oui, mais... C'est une autre histoire, mais en fait, ça change pas la donne, parce que, bon, moi, il y a un truc que j'aime pas dans les Pays-Bas, c'est le fait que tu puisses y fumer du hashish et compagnie librement, parce que, bon, ça, à mon sens, hein, déjà, ça ramène une faune qui est pas forcément très intéressante, notamment à cause de l'immigration de masse qu'on a. Moi, je me rappellerai toujours du reportage que j'avais vu sur la police aux frontières qui avait intercepté des bougnoules français qui avaient, suite à je ne sais quoi aux Pays-Bas, avait kidnappé une Hollandaise. Bon, bonjour. Tout ça, c'était lié au shit. Puis ensuite, c'est vraiment un truc de gauchiste, quoi. Et moi, le peu de contact que j'ai eu avec les Néerlandais, c'est que la plupart sont des... c'est des gauchistes, quoi. C'est des mecs, ils fument du hashish, ils vont dans le quartier rouge, ils sont hyper tolérants. Moi, je suis sorti avec une Néerlandaise, une magnifique blonde aux yeux bleus, qui finalement avait un peu peur de mes idées et s'est maquée après un voyage Kumbaya avec un Indonésien qui en fait vit aux Pays-Bas, quoi. Puisque, comme tu disais, ils ont eu une colonisation là-bas, quoi. Alors, quand tu vois une magnifique blonde, vraiment avec des traits germaniques parfaits, et que la meuf elle se colle avec un Indonésien dégueulasse avec un gros pif qui joue de la guitare, t'as envie de dire mais putain quoi. C'est bon, tu me diras, à côté t'as aussi le Libano-Antillais anciennement du FNJ qui sort avec une magnifique blonde néerlandaise qui est conservatrice de droite, mais bon, vous voyez de qui je parle. Je vois pas qui c'est qui ça. Bon, enfin, le Libano-Antillais du FNJ qui faisait mouiller toutes les gamines. Non, il s'appelle déjà. Libano-Antillais. Il est pas entier. Un quart levantin ou un huitième peut-être. Non, il est un peu dur là, Captain. Ouais, ouais, mais je suis dur parce que si tu veux, c'est. Oui, c'est ton histoire d'Indonésien. Je comprends. Ouais, voilà. Je comprends. Non, mais après, quand tu regardes, ils ont élu qui, là, récemment, un type qui a percé, c'est Baudet, Thierry Baudet. Ouais. C'est du libéralisme conservateur, c'est de la droite, je dirais pas dur, mais c'est de la vraie droite, quoi. Hein. Oui. Et Baudet... C'est moins folklorique que Garvilders, quoi, avec sa espèce de foi, ouais, perruque, quoi. Ouais. Tout à fait, quoi. C'est une droite qui est. C'est marrant parce que c'est pas vraiment des identitaires, mais c'est des gens qui se revendiquent d'une culture européenne. C'est des gens, je pense que c'est des gens très très bien. Et ces gens ont percé. Ils ont percé très récemment. Bon, en France, on en est très loin. Je pense que le drame de la France, si on peut comparer à l'Italie ou même à d'autres pays, c'est que les Français sont vraiment convaincus d'avoir gagné la Seconde Guerre mondiale. Et ils en sont intimement convaincus, c'est pas du tout le cas de l'Italie. Et si tu rajoutes à ça le fait que la France est malgré tout nostalgique de son empire, hein, de son empire colonial, simplement elle a troqué la fierté de l'empire par une forme de d'antiracisme universel totalement lénifiant, une sorte de mission civilisationnelle, hein, enfin une mission cosmopolite. Bah, moi je l'appelle la mission. C'est pas du tout le cas de l'Italie, quoi. C'est la mission négrificatrice de la France. Ouais, tout à fait. Enfin, la colonisation de l'Italie en Éthiopie et en Libye, c'est un fiasco. Hein. Et les Italiens en ont parfaitement confiance, ce qui n'est pas le cas de la France. Tu vois, la Alors France, ça, malgré ouais. tout, elle conserve son idée de grandeur à vouloir se répandre comme ça sur l'Afrique, sur le tiers-monde. Et puis aussi, l'Italie a perdu toute souveraineté après la Seconde Guerre mondiale. Dire en France, malgré tout, quoi qu'on puisse penser de De Gaulle, il a quand même renversé la balance, essayé de reprendre l'État par le col, quoi. C'est pas du tout le cas de l'Italie. Ah, ça, c'est un point. C'est un drame parce que les Français sont persuadés d'être encore souverains, alors que les Italiens, de façon en fait beaucoup plus pragmatique, les Italiens, je pense, sont des gens pas suffisamment sérieux pour se croire tout puissant en fait. C'est pour ça qu'ils sont ils font des choses de façon beaucoup plus subtile et de façon un peu cachée, comme ce qui est en train de se passer avec la monnaie. Faudrait peut-être envoyer le mémo sur ce que tu viens de dire à notre Italien national. Alors, c'est qui encore l'Italien national? T'as plein de jokers comme ça, mais tu dis qui c'est, alors moi je sais pas qui c'est. Daniel, tu veux dire? Daniel Conversano. Ouais, mais c'est une bonne chose, tu vois, c'est une bonne chose. Je veux dire, quand tu sais que tu n'es pas dans une position symétrique, tu vois, tu fais les choses de façon beaucoup plus subtile. Hein. Tu n'y vas pas frontalement, comme un con. Donc finalement, c'est une bonne chose. Le fait d'être bien au courant que tu n'as aucune souveraineté et que tu ne l'as pas depuis bientôt 80 ans, bah, ça te rend finalement beaucoup plus pragmatique que peut l'être un Asselineau, tu vois. Je veux dire, Asselineau, moi, je suis fasciné par ce type parce que les Italiens sont en train de faire ce que je pense qu'il serait incapable de faire, même s'il avait le pouvoir. Oui, ça, oui, je vois ce que tu veux dire. Là, tu soulignes un point très important. Donc, tu distingues bien, là, par exemple, l'Italie, la France, peut-être les Pays-Bas aussi. Les Pays-Bas qui ont vraiment joué à fond la carte du Troisième Reich. Hein, ils ont fourni, par exemple, énormément de volontaires, comme les Flamands. Les Wallons aussi ont fourni des volontaires, mais enfin, je veux dire. Ils ont vraiment, enfin les Néerlandais ont vraiment fourni énormément de volontaires dans les Waffen-SS. Enfin, ce sont des gens vraiment qui ont adhéré pour beaucoup au projet national-socialiste, quoi. Donc tout ça laisse des traces, fatalement. Je veux dire, même si c'est des traces finalement résiduelles, ça laisse quelque chose. Et en France, là, tu pointes du doigt quelque chose d'important, c'est que bon, bah, ça s'est passé comme ça, de toute façon, c'est ni bien ni mal, mais il faut le décrire. C'est qu'en 1944-45, De Gaulle réussit en fait son coup d'État, en s'associant avec avec les communistes, pardon, après avoir d'ailleurs négocié avec Staline, parce que Staline, finalement, comprenant qu'il ne pouvait pas pousser jusqu'à Brest, n'était pas mécontent d'avoir une France, on va dire, mitigée. Finalement, il trouvait son compte. D'avoir une France qui serait un peu plus neutre que si elle était totalement intégrée, j'allais dire, dans le bloc anglo-américain, comme l'Italie l'a été, comme vraiment un pays occupé. Mais malheureusement, les gens ont cru en fait que le tour de passe-passe assez habile de De Gaulle équivalait à une victoire. Et c'est ce qu'on a raconté aux gens pendant très longtemps, enfin, je veux dire, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une contradiction, je le dis de temps à autre, mais il y a une contradiction aujourd'hui au plan gouvernemental en France, c'est que d'un côté, depuis Jacques Chirac, les présidents français disent que la France a collaboré avec l'Allemagne, et à ce titre, notamment sur la question de l'Holocauste, est coupable. Donc finalement, elle aurait, en ce sens, je veux dire, elle a été aussi jugée à Nuremberg. Ce qui est drôle, puisque la France avait un juge à Nuremberg pour juger, et non pas pour être jugée. Et paradoxalement, la France justifie son statut aujourd'hui international, notamment à l'ONU, en prétendant avoir gagné la Seconde Guerre mondiale, ce qui a été possible par les manœuvres de De Gaulle, le soutien de Churchill, finalement le ralliement de Roosevelt et l'accord de Staline. Donc il a su manœuvrer, c'est pas la question, mais les gens ont fait semblant de croire que la France avait participé avec les autres à la victoire, ce qui est faux. On le sait, c'est faux. Et ça a été fait sur le dos de la droite. Parce qu'en fait, toutes les forces de droite, même si c'est un terme, si vous voulez, un peu binaire, un peu élémentaire, toutes ces forces-là étaient à Vichy, bon an, mal an. Déjà parce que l'essentiel ne pouvait pas aller ailleurs, et ils voulaient rester en France. Et ils se sont retrouvés autour du maréchal Pétain, qu'on a décrit ensuite comme une... Enfin, aujourd'hui, vous écoutez la presse juive, Pétain est un néo-fasciste, c'est totalement faux. C'est faux. Oui, en plus, enfin, je veux dire, c'est délirant, mais en plus, on lui prête des idées politiques qu'il n'a jamais eues, enfin, c'est complètement fou. Mais tout ceci pour dire que, pour donner l'illusion de la victoire, il a fallu sacrifier non seulement Vichy, mais tous ceux qui avaient été à Vichy. Du moins, les gens vraiment engagés, sincèrement engagés, et qui avaient voulu démocratique qu'il attirait de plus en plus vers le bas, la France du Front Populaire, la France de Blum, de la juiverie, de la maçonnerie, de la finance, pro-anglaise, etc. Et ça a été détruit. Le problème, c'est que quand vous détruisez quelque chose comme ça, vous perdez les cadres, vous perdez les intellectuels, vous perdez les réseaux politiques, vous perdez, en somme, l'intelligence. Bon, on a fusillé beaucoup, on le dit assez peu. On dit on a fusillé des collaborations. Non, on n'a pas fusillé. On a fusillé parmi les Français les plus courageux et les plus intelligents en 1944. Les communistes n'étaient pas fous. Et même les gaulos communistes n'étaient pas fous. Les gens qu'ils ont traînés, qu'ils ont exécutés sommairement partout en France, c'était pas uniquement, c'est pas quoi, l'espèce de dénonciateur caché dans leur appartement qui voulait récupérer l'appartement du juif voisin. Ça, c'est des caricatures. Ils ont fait un coup d'État, les marxistes préparaient un coup d'État pour le compte de Staline, et comme ils ont fait dans d'autres pays, comme ils ont fait en Croatie, comme ils ont fait en Pologne, comme ils ont fait partout, ils ont voulu éliminer les gens les plus dangereux pour eux, c'est-à-dire les gens de droite ou les nationalistes. Et les gaullistes se sont rendus coupables de ça. Après, comment voulez-vous vous étonner qu'en France, comparativement à des pays comme l'Italie pourtant vaincue, il n'y ait pas de droite? C'est normal, elle a été assassinée. Et le peu qui restait, on va dire, de force un peu saine, quoi, on les a retrouvés dans les combats coloniaux, en Indochine et puis en Algérie. Bon, De Gaulle s'est chargé de les éliminer. Je veux dire, on peut être contre l'Algérie française en disant que c'était irréaliste, etc. Mais De Gaulle s'est pas contenté de ça. Il s'est dit, là, il y a une force d'opposition, ces gens sont dangereux, je vais les éliminer. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est tragique. Et d'ailleurs, moi, je pense que l'histoire est comique, hein, quelquefois. Elle est autant tragique que comique. C'est que beaucoup d'entre eux sont morts avec pour frère d'anciens nazis. Hein. Vous avez des types qui ont été issus, viennent de l'armée, et qui sont morts avec des anciens allemands. Parce que la Légion étrangère a récupéré beaucoup de soldats allemands, des soldats très très combatifs. Et ces gens sont morts ensemble en Indochine pour défendre un rêve perdu. Et pour prolonger ce que dit MacDove, je lisais il y a un certain temps que tous ceux qui avaient été Waffen-SS français, on leur proposait de se racheter en partant en Indochine, effectivement. Oui. On les prenait dans les troupes parachutistes, notamment. Dont les parachutes étaient sabotés par les ouvriers communistes, qui fait que lorsque les mecs sautaient, oui, notamment à Dien Bien Phu, il n'y avait pas de parachute, ou alors ils ne s'ouvraient pas. Oui, il y a eu également les MAT 49 qui se sont retrouvés dans les mains de l'ennemi, alors que les MAT 49 qui se retrouvaient dans les mains des Français étaient totalement sabotés. C'est étonnant, hein, c'est pas enseigné à l'école, ça. Ah, non, non, pas vraiment, non. Parce que c'est peut-être parce que c'est les mêmes qui font les programmes scolaires. Oh, tout de suite. Oh, effectivement. Ou alors c'est les mêmes qui contrôlent les mairies, où vous avez des racailles qui arrivent en gueulant pour prendre des téléviseurs. Ah. Il y a une continuité, quand même. Hein. C'est... Oui, il faudrait dire un petit peu comme un Georges Boudarel qui torturait des Français et qui, lorsqu'il revient en France après, est complètement amnistié. Oserais-je dire qu'il y a un destin français Bah, en tout cas, je note que il y a eu une alliance en 1944 qui nous a quand même placés dans la situation présente. Donc entre les gaullistes, les communistes, plus quelques socialistes, etc. Et qu'on a appelé le CNR. Et j'ai découvert avec beaucoup de plaisir un nouveau transfuge mélenchoniste au sein du Rassemblement National, dont j'ai oublié le nom. Il a un nom, j'ai l'impression que c'est un nom polonais, mais je ne suis pas certain. Et c'est un inconnu, assez jeune, voilà, et dont le ralliement en fait au Rassemblement National a été assez médiatisé. Bon, c'est très clairement un opportuniste qui veut briller dans les médias et avoir une place. Mais il se revendiquait du CNR. Donc en fait, il se revendiquait de la machine, si vous voulez, qui a créé la dystopie française de 2019. La retraite par répartition, hein, ce genre de truc. Mais encore, c'est parce que je veux dire, c'est le pacte antifasciste gaullo-communiste qui a livré les parmi les, enfin, qui a livré les secteurs stratégiques, secteurs qu'ils contrôlent toujours d'ailleurs, ils en sont très contents. Oui, c'est de ça que se revendiquent les transfuges qui vont au Rassemblement National devant une Marine Le Pen, toujours aussi satisfait d'être une conne en puissance, quoi. Bon, moi je sais pas combien de temps cette farce est censée durer, je sais pas, comme disait Cohn-Bendit, hein, et les 68ards, l'imagination au pouvoir, elle est au pouvoir, cette imagination, et quand il s'agit de faire des conneries, elle est particulièrement prolifique, et j'ai l'impression qu'on n'en sort jamais, quoi. C'est ça, moi je ne vois pas de réaction de droite dure. Il y a eu des tentatives, notamment avec le Front National au début, quoi, dans les années 70, qui a d'ailleurs repris des gens soit de l'Algérie française, de l'Indochine, des anciens collaborationnistes, des anciens résistants, bon, mais des gens qui avaient une fibre nationaliste assez dure. C'est ça qui a créé le Front National. Parmi les fondateurs du Front National, il y a d'anciens Waffen-SS français. Bon, ils ont essayé de recréer une force de droite. Ça a marché pendant un temps, jusqu'aux années 80. Et puis après, bon, la machine a commencé à péricliter. La pourriture a commencé à prendre, l'opportunisme a commencé à prévaloir. Bon, on va en parler dans la deuxième partie, donc je ne vais pas m'étendre. Mais il faut vraiment pas s'étonner de l'absence de réaction identitaire dure. Enfin, il n'y a pas de résistance identitaire en France. Il n'y a pas de résistance identitaire aujourd'hui, au moment où on parle. Alors, en Italie, même si on peut trouver à redire, une résistance identitaire réelle, réelle, émanant du peuple, voilà, il y a des gens qui disent « nous, on ne veut pas disparaître », et qui s'incarnent avec Salvini, quoi. Et on voit qu'il y a un raidissement. Quand Salvini est rentré au ministère de l'Intérieur, il ne s'est pas contenté de faire des phrases. Il a bouclé les frontières, il a peut-être commis des petites erreurs, mais il a quand même fait quelque chose. Moi, je suis désolé, le FN marquait un temps d'avance dans les années 80, c'était un temps d'avance. Toute l'Europe regardait le FN, non, c'est ce qu'il faut faire chez nous, quoi. Et ça a raté, quoi. Et maintenant, on végète avec, bon, je le dis, un parti de gauche antiraciste qui mène à rien, quoi. Je veux dire, c'est clair, rempli d'opportunistes et d'escrocs. Non, donc, mais il est cohérent. Tu parlais du type qui a rejoint le Rassemblement National qui vient de la France insoumise. Moi, je trouve que son ralliement est parfaitement cohérent. Puisqu'effectivement, le Rassemblement National se réclame du CNR. Alors, peut-être pas ouvertement, mais d'un point de vue de leur ligne politique, moi, ça me paraît tout à fait juste. C'est parfaitement normal qu'ils fassent ça. C'est un parti de centre-droit qui veut défendre encore l'État social français. Pour moi, il n'est pas de centre-droit. Pour moi, il est de gauche, populiste, passablement xénophobe. mais la xénophobie n'est pas une position identitaire en soi. Oui, mais d'un certain point de vue, les communistes ont pu être xénophobes. Bien sûr. Bien sûr, ils l'ont été, tout à fait, ils l'ont été. Ils l'ont été à plusieurs moments de leur histoire. Ils l'ont été, les socialistes même, les socialistes au début du XXe siècle ont été engagés dans des grèves xénophobes, contre l'importation notamment de mineurs belges, Fulbert, dans le nord de la France. Ensuite, le Parti communiste, plus tardivement, a fait aussi campagne. Bon, alors les cas les plus emblématiques, c'est dans les années 70, quand ils détruisent carrément des foyers de travailleurs étrangers dans des communes tenues par les Rouges. Hein, voilà, il y a quand même eu des... Puis ensuite, il y a eu une reprise en main, quoi. Oui, il y a même eu des ratonnades de travailleurs étrangers qu'on avait fait venir... Enfin, faut se renseigner là-dessus. Hein, les Irlandais qui ont été tabassés par les prolétaires anglais, c'est la gauche, hein, c'est pas l'extrême droite. Tout à fait, tout à fait. Alors mes amis, je vous propose de passer à la rubrique suivante, rubrique autisme radical. Alors là, un ton un peu plus léger. On va découvrir une créature des eaux, une créature qui assume totalement son identité, dit-elle. C'est Ludovic, on l'écoute et on se retrouve. Je m'appelle Ludovic, je suis gay. Et je suis un triton. Le mermaiding, pour traduire en français, c'est faire la sirène. Il s'agit d'enfiler une nageoire aux sirènes, de plonger avec et de nager librement dans l'eau. La première fois que j'ai revêtu le costume de triton, je me suis senti très bien. Je me sens plus vivant, plus fort, plus lumineux, plus flamboyant. C'est quelque chose qui m'aide à m'accepter. Les gays ont toujours assumé leur part de féminité. Dans le milieu du mermaiding, on accepte tous les corps. On a tendance à penser que le triton doit avoir des longs cheveux, plus une musculature tout bronzée. On accepte tous les corps, toutes les morphologies. La fierté, c'est s'accepter tel que l'on est. Je pense que c'est le plus important et c'est la leçon de toute une vie. Ne pas se sous-estimer, rester fort, marcher la tête haute. Alors Ludovic a appris à s'accepter, il est fier d'être un triton, il est fier d'avoir ses nageoires. C'est sur Vice, hein. On est sur le fil de Vice. Oui. Bien entendu, Vice. Oui, le vice. Et bon, il y a plein de choses comme ça. Alors ça c'est très retweeté. Alors moi je vous pose simplement une question. Adolf Hitler a-t-il vraiment commis quelque chose de grave et de nuisible par le passé? Alors oui, il a commis quelque chose de grave. Et puis il faut se réjouir du fait qu'il est perdu. Nous parlerions allemand, c'est vrai. Gandalf, je te le rappelle. Ah oui, c'est vrai. Et oui. C'est vrai. C'est vrai, nous parlerions allemand. Oui. Bah, oui. Il a quand même commis quelque chose de très très grave. Il n'a pas gagné la guerre. Ah oui, ça, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, bon, il a perdu la guerre, d'accord. Mais on a gagné des tritons, on change. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Ludovic et donc de son rapport très très érotique, somme toute, à la nage, hein. Moi, quand je vais à la piscine, vous voyez, je nage, mais je nage pour nager, vous voyez. Mais visiblement, ouais, lui, il est des... Je croyais que son rapport très érotique à l'anus. C'est aussi quelque chose qui le marque. Ça a l'air lié. Ça a l'air lié. Le type se prend pour la petite sirène. Et il va dans les piscines. Et puis, ça s'appelle du... C'est une... Apparemment, du mermaiding. Du mermaiding. Il y a un terme pour ça. C'est-à-dire de se prendre pour une sirène. Alors lui il a une barbe et tout. Et puis, il nage. Donc... T'as vu, Vice, ils mettent un peu au ralenti pour rendre le truc un peu plus sexuel. Oui, voilà, bah oui, avec une musique. T'as vu voilà, un peu lancé. Pour te détendre. Voilà. Ça me détend pas du tout, par contre. Non. Non. Alors moi, il y a un truc qui me sidère. Moi, ce qui est un truc qui... Bon, là, du coup, quand j'ai vu la séquence, j'avais quand même envie d'aller acheter un harpon. Mais bon, voilà. Oui, moi, j'en ai eu un, donc c'est pratique. C'est vrai que c'est le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller au garage. Alors, moi, il y a un truc qui me sidère, les mecs, et je sais pas si vous avez noté, mais c'est l'inculture du mec en question. Parce qu'un triton, c'est pas une sirène. En fait, je pense qu'il a confondu le roi triton dans La Petite Sirène avec l'animal. Parce qu'un triton, c'est une salamandre, donc ça ressemble à un lézard. Donc ça a pas une nageoire comme une sirène, et ça nage pas comme un dauphin ou une baleine. Alors c'est peut-être un triton... non, c'est peut-être une sirène qui assume sa vraie identité de triton en tant que... Mais qui es-tu, Captain, pour juger l'identité des gens. Je veux dire, moi je vous emmerde parce que je suis un hélicoptère de combat. Voilà. Moi je suis d'une chambre à gaz. Non mais il faut pas confondre expression de genre et identité de genre. Expression de triton et hein. Alors du coup, on classifie ça dans quoi, là, le fait de vouloir être un animal, enfin de se penser un... Enfin, c'est pas vraiment un animal, parce que c'est une créature de... C'est du cosplay, en fait, là. Oui, c'est un personnage de La Petite Sirène, quoi. C'est le roi triton de La Petite Sirène, comme l'a rappelé Captain. Hein, de... D'accord. Ah, c'est alors, le gros costaud avec sa barbe blanche, là. C'est celui qui a le trident, qui a la barbe blanche, et qui est le père de l'héroïne de La Petite Sirène. Ah, il était quand même plus viril, hein, dans La Petite Sirène, hein. Ah bah c'est sûr qu'à part sa queue de poisson, le mec ressemblait plus à Hulk Hogan qu'à une pédale qui se prend pour un triton, quoi. C'est ça. Mais alors, la nouvelle génération de Français, bon, même si lui est un peu âgé, je sais pas quel âge il a, on dirait qu'il tourne vers la trentaine, je sais pas. Ça vous séduit Est-ce que vous êtes intéressé par le mermaiding? Moi, je sais ce que je voudrais faire avec du mermaiding, mais j'ai donné une piste. Mais je sais pas. Je crois que j'ai la même piste que toi. Ah. Au filet ou comment dire? Oh, mais écoute, après, oui, des filets, on peut faire des filets après, et puis au barbecue, c'est la saison, pourquoi pas, quoi. Non, mais vous savez, vous avez dans tous ces trucs dégénérés, il y a Brut, dans le genre, ils font des séquences. Ça a l'air un peu. Vice, c'est quand même très, très. Ils poussent, hein. Ils poussent le vice. Mais il y a Brut ou Combini, quoi, dans le même genre d'insanité. T'as Agiplus aussi. Ah oui, c'est comique. Oui. Avec la beurette obèse là. Ah ouais, non mais c'est comique. Il parle des LGBT aux Arabes. Alors Agiplus, pour ceux qui ne savent pas, Agiplus c'est Al Jazeera, qui est la chaîne évidemment du Qatar. Qatar qui, comme chacun le sait, est un Imera extrêmement progressiste. Bon, non mais je veux dire, s'il ne fallait que ça pour que les gens comprennent, d'après vous, pourquoi des types qui financent toutes les mosquées les plus radicales en Europe depuis leur état gazier, n'est-ce pas, du Golfe. Quoi, les types financent d'un côté les trucs les plus radicaux, hébergent les frères musulmans, notamment des prédicateurs comme Youssef Al-Qaradawi, qui sont des gens qui légitiment les attentats kamikazes avec des ceintures d'explosifs. Et de l'autre côté, finance des médias qui appellent les blancs à se déguiser en sirène pour nager dans des piscines. Je pose juste la question, je veux dire, bon, d'après vous, voilà, c'est que les djihadistes auront plus de facilité à traquer des petites sirènes qu'à traquer des blancs virils et dominateurs. Le simple moi, fait... Ah, je crois pas que ce soit ça. Moi, je crois que c'est plus une question de quand ils vont tous débarquer en masse, en plus prendre de plaisir à enculer des sirènes qu'à enculer des vikings. Oui. Ils aiment bien les travaux, ce genre, donc oui. Oui, voilà, oui, bah d'une pierre deux coups, alors. Bah oui. D'une pierre deux coups, oui. Et puis, il faut faire en sorte que l'homosexuel soit bien, bien passif, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que chez les Arabes, est homosexuel uniquement celui qui encule. Qui se fait enculer. Non, oui. Ah oui, qui se fait enculer, oui, par exemple. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, la duplicité totale d'Al Jazeera et d'Agiplus qui est focalisée sur les réseaux sociaux... et qui en fait œuvre pour la dégénérescence aggravée des blancs. Alors bon. Une duplicité toute sémitique, cher Gandalf. Hein, oui. Un autre petit peuple tout à fait emmerdeur n'hésite pas à pratiquer la même chose. ça c'est marrant, parce que finalement, entre les médias juifs qui promeuvent la même merde et les médias sémites djihadistes, il y a une drôle de convergence, quoi. Oui, anti-blanc, bizarre. Être étonnant, hein, étonnant. Hein. Une même approche, ouais, c'est... Oui. Il serait donné à penser qu'il s'agit de gens qui ont la même matrice, peut-être. Oui, la même matrice, et puis surtout la même envie de tuer des blancs. Hein. Oui, non, mais bon, tu peux avoir envie de tuer des blancs, mais là, c'est quand même une... La manière est la même. Quoi. La manière, la méthodologie, là, oui. La méthodologie, c'est... Tout ça sent quand même un peu, oui. On sait d'où ça vient de l'Est, hein, ça vient de l'Est. Oui, beaucoup à l'Est, loin, ouais. Oui, l'Est, alors. Le Sud-Est. De toute façon, tu sais dans quel sens il prie, hein, je veux dire. Ouais. Ah bah oui, non mais les gens, bah, sont là, ils pensent que c'est assez... Bah en fait, ouais, les deux, il suffit qu'ils changent de quelques degrés, et puis bon, entre Jérusalem et la Mecque, ouais, tu te tournes un petit peu, quoi. Moi, quand je prie, je regarde vers le pôle Nord. Oui. Comme ça, je sais d'où je viens aussi, tu vois. Alors, le Vice, enfin Vice France, hein, le Twitter, c'est l'apocalypse. C'est... Je suis en train de parcourir le truc, là. Mm-hmm. Ça ne parle que de choses, homosexualité, drogue, et à chaque fois que des blancs sont présentés, ils sont présentés comme des demi-tarés, en fait. Façon Jackass. Ah ouais. C'est absolument ignoble, quoi. C'est oui, mon... Tiens, je suis en train de m'arrêter sur un truc. C'est oui, mon vagin est magique. Est-ce qu'une pratique d'introduction à l'ouverture sexuelle vous permet de vous rendre plus libre? Enfin, c'est que ça. Vraiment, totalement, la dégénérescence. C'est... Ouais, c'est ignoble, anus, quoi, anus, kétamine, voilà, enfin c'est, oui. Ouais, alors la drogue, promotion de la drogue, de toutes sortes de drogues. Ils vont te faire des reportages sur telle tribu qui utilise un miel hallucinogène dans je ne sais quel coin du monde. De promotion de la weed, mais de toutes les sexualités complètement dégénérées. Ça, c'est assez parlant. C'est assez parlant, ça, tu vois, parce que c'est des modèles qui donnent à voir aux gens. Et vers où vont-ils dans des recoins de jungle perdus, où en fait les types sont à poil et passent leur journée à se défoncer. Le projet de société, quoi. Ah, je sais pas, quoi. C'est un projet qui est aussi repris par certains défenseurs d'une vision de l'Occident futuriste. Le matriarcat des peuplades d'Indonésie, enfin des papous, hein, c'est l'avenir, paraît-il. Ah, ils font également la promotion du BDSM, donc peut-être que certains identitaires auraient à apprendre de Vice. Qui est comme une pratique, hein, donne-t-il une... Le fait de se mettre... Des trucs bizarres dans la bouche, une sorte de... Alors, dans la bouche, c'est quand c'est soft, en général c'est un petit peu plus bas, ça se passe. Ouais, alors ce sont des harnais avec un masque, avec des oreilles de chat, et avec une grosse boule, dans la bouche. Oui, c'est normal. Alors, à porter chez soi, ou plutôt en allant faire les courses, comment ça se... Ah bah, il faut que ce soit fier. Hein, il faut porter ça avec fierté, parce qu'il faut être fier de tes dégénérescences sexuelles. Donc évidemment tout ça s'exhibe, hein, parce que... Est-ce que moi j'ai le droit aussi d'être fier de ce que je suis? Est-ce que nos auditeurs ont le droit d'être fiers de ce qu'ils sont? Et est-ce que parmi nos auditeurs, qui sont finalement des gens qui ont aussi leur identité, qui sont des nationaux socialistes, peuvent-ils porter leur uniforme en sortant de chez eux? Ou alors là, non. Alors tu vois, porter le cuir, c'est comme la chasse à la galinette cendrée. Hein, ah. Il y a les bons porteurs de cuir et les mauvais porteurs de cuir. Ah, voilà, c'est ça. Si tu portes ton cuir de façon peut-être un petit peu trop arienne, en te tenant peut-être un petit peu droit et en étant peut-être un peu trop civilisé, tu es un mauvais chasseur. Par contre, si tu portes le cuir avec une laisse dans le cul, et que tu te fais des fiertés, hein, que tu défiles devant des petits enfants de 8-9 ans, Là, tu es un bon chasseur. Tu es un bon porteur de cuir. Vous m'avez perdu, les mecs. Là, je... Ah oui, ben... Je commence à... je sais pas. Mais alors, du coup, c'est... j'ai vu qu'il y a un mois défi... Un mois, carrément, défi. Vous savez, il y a un mois d'histoire nègre. Ouais. Là, ouais, c'était au Parlement européen, on en avait parlé. Bah, par... ça nous vient des États-Unis, ça ces trucs-là. Hein. Le mois, des... le mois ouais, de l'esclavage. Mais c'est un mois. C'est le mois. C'est le mois complet, des fiottes, quoi. Le mois des nègres. Le... J'attends le mois de... Ouais, de... Bon, on sûrement le mois de l'islam. Non, sûrement le mois de l'islam. Ah oui, oui. C'est le ramadan. La Shoah, c'est toute l'année. Oui, c'est vrai, c'est l'année de la Shoah. Le calendrier shoatique est particulièrement chargé tout au long de l'année. Hein, le, entre le vrai, début on a un, de l'extermination, alors le, l'ouverture de chacun le milieu, des camps. Le repas, le repas. Le repas. L'orchestre. Ah, on n'en parle pas trop dessus, là. L'ouverture de la piscine. Ces jours-là, la piscine, Rachel s'est noyée après avoir fait 50 longueurs. bon, oui. Bon. Non, non, non, non. Elle avait laissé tomber des pièces au fond. Bon, bon, bon, une expérience sociale et culturelle tout à fait enrichissante pour le mois donc des fiertés. On a eu le train des fiottes aussi, hein, donc c'est quand même un projet qui s'inscrit dans la durée. Oh, eh tiens, alors vite fait en passant, vous avez vu le dernier reportage de, c'est pas Vincent Lapierre qui l'a fait, mais c'est un collaborateur à lui. Enfin, c'est, oui, c'est le, je crois que c'est Toulouse, le, la ville des, c'est le la... pied pour tous, hein. Ouais, les médias pour tous, dans la ville le des enfers tous, et tout. Ouais, sur YouTube. Voilà, oh, oui, oui, pandémonium. De soir, oh, ouais. Alors, je tiens à remercier quand même le journaliste qui l'a fait. C'était un... Oui. Oh là, j'ai oui, pris plaisir. Enfin, j'ai pris moi, plaisir, il m'a fait moi, peur. Moi, j'ai eu peur pour même, lui, quoi, si tu veux, ouais. Ah oui. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ah oui. J'espère qu'il est allé prendre des médicaments, posait... parce que bon... Ah oui, oui, oui, oui, oui, le sidaïque, oui, oui, oui, dangereux. Ouais. Mais de quoi vous parlez en fait, parce que j'ai pas suivi. Ah bah t'as pas vu celui-là, c'est le reportage de l'équipe de Vincent Lapierre pour le Média pour tous qui est passé sur YouTube il y a cette semaine quoi. Et le sujet c'est la Gay Pride à Toulouse. Donc comme on est en plan, je sais pas quoi, truc des fiertés machin comme ils disent, il est allé là sur le Capitole rencontrer les gens qui participaient à ça. Faut quand même la voir cette vidéo parce que là c'est des créatures invraisemblables, des hommes en femmes, des femmes en hommes, des gens paumés, perdus. Et alors ce qui est marrant, ouais, c'est que très vite ils posent des questions et très vite, hein, d'eux-mêmes, ils parlent d'Adolf Hitler. J'ai remarqué que c'est très très vite le sujet vient sur. Oui, mais c'est oui, frappant. Oui. C'est fou, hein. Bon, ils disent Adolf Hitler. Moi aussi, j'ai tendance à parler, à faire mention d'Adolf Hitler, pas pour la même raison, mais j'étais particulièrement frappé. Ça revient très vite, quoi. Bah, c'est, oui, c'est ce comme sont des gens, ce sont des gens qui sont inquiets. Ce sont des gens qui sont inquiets. Ce sont des vampires qui sont inquiets de se faire asperger d'eau bénite, oui. C'est pas des gens qui dorment bien la nuit, c'est ça que je veux dire. Non, ils dorment pas bien la nuit, ces gens. Oui, qui soi-disant sont très fiers de faire joujou avec leur caca. Bon, cette manière-là qu'ils ont là, de venir se montrer ostensiblement vraiment, devant des enfants. Devant, oui, oui, bah, surtout les enfants. Sinon, c'est pas drôle. Bah oui, non, mais c'est. On sent que hein, ils profitent tant qu'ils peuvent. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui va venir. Alors ils savent pas si c'est la charia marron ou si c'est des bah, ce qui peut. Enfin. Bon, rappelons quand même, hein, en Allemagne, avant qu'Adolf Hitler arrive, la République de Weimar, tu avais tu avais ce genre de choses, tu avais des travelots partout. Hein, De tout. Par à travelots, ça baisait avec des cochons, enfin, c'était absolument ignoble. Hein. De tout. Berlin était une porcherie. Hein. Berlin, c'était fou. Ouais. C'était plus qu'une porcherie d'ailleurs, c'était devenu le bordel de l'Europe entière. Ah oui, oui, c'était complètement c'était fou. C'est devenu un paradis juif qui ressemble quand même énormément à ce que peut être la France en 2019. Donc, bon, L'Occident, hein, on peut le dire à ce stade. Oui, oui, mais bon, parlons pour la France, parce que bon, là, quand même, Toulouse. Bon, déjà Toulouse, hein, on sait que j'aime ces populations. Surtout les Espagnols. Des gens avec des gueules bizarres, espèces de travelots. Qui se font bourriquer par des nègres, enfin bon, bref, il y a des gens bizarres, c'est quoi, y a des gens bizarres, et, ouais, oui. Là, on les a vus, hein. Alors là, on les a vus. Ah oui, non, mais il y avait juste. Alors, t'as une espèce de type qui apparemment bosse à la mairie. Oui, c'est. Un type à barbe, c'est. Et les familles dans le Baudrin, on leur donne des sous, et puis ça fait une famille qui est contente qu'elle a des sous, et puis une autre qui est contente qu'elle a un enfant. Tu vois un peu le niveau, quoi. C'est le type fait du... Ah, mais je l'ai vu, le niveau. Le type, il vend des épices, quoi. C'est vraiment le marchand d'épices. Ah ouais, ouais. Bon, il a pas l'air juif. Alors peut-être qu'il a quand même une barbe... Il faudrait le voir avec une kippa, quand même. Hein, ça, il y aurait quelque chose. Ils ont des nez, des fois, qui ne sont pas forcément... Alors, les barbes d'homosexuels, vous savez, ils les peignent toujours. Imaginez que sur ces barbes-là, beaucoup de choses coulent. Ouais. Vous pouvez vous représenter la chose, c'est tout de suite un peu différent. Qu'est-ce que je vous dis? Des bactéries, le E. coli, c'est, par c'est exemple. C'est à nous de vous faire préférer le train. Ouais. Oui, bon, c'est un peu loin le train. Non. Combien de temps on est pour aller en Pologne de nos jours? Non, mais à Toulouse, si tu veux, il y a quelque chose de bien, c'est la Garonne. Est-ce que les Polonais ont mérité ça, franchement? Je ne suis pas certain. Oui. Ils ont des choses à se reprocher, mais quand même pas autant. Oui, oui, bon, les porcs, ils vont encore nous en vouloir. Donc bon, Non. Les Algériens, oui. Ah. Ah oui, hein. Ah non, mais moi j'ai une solution quand même qui est plus simple. Parce que plus proche territorialement. Oui, plus écologique, c'est de dire à l'Espagne, reprenez vos merdes. Hein, reprenez vos merdes, c'est ça. Oui, vos compatriotes, oui. Oui, enfin, c'est pareil. Dont la première d'entre elles, Anne Hidalgo, hein, reine des PD, s'il en est. Oui, ouais. Ah, bah, vous avez pas vu, elle a inauguré une rue, on est en plein mois des fiertés, là. Des rues, des blagues, places. Il faut voir les photos. Du Harvey Milk, ouais, ouais. Inauguré par des travelots. Ouais, non, mais c'est plus que des travelots. C'était des PD déguisés en bonnes sœurs, avec des cheveux multicolores. Ce sont les légions de Satan. Je ne sais pas comment décrire autrement le truc. T'as Anne Hidalgo, alors avec l'élégance qu'on lui connaît, hein, naturellement, et oui. Elle est flanquée de travelots, et elle inaugure sa rue du nom d'une fiotte encore quelconque. Moi, vous savez, parce que c'est très à la mode les réparations, je vais prendre ma plus belle plume, je vais écrire, moi, à la généralité d'Andalousie. Je vais leur écrire à ces gens-là. Oui. Je vais leur dire, j'ai quelque chose pour vous, et j'attends des réparations. Avec monnaie sonnante et trébuchante. Voilà. Ah oui, il faut tenir nos carnets à jour. Qui d'autre sur ce mois interminable de la fierté anal? Ouais, c'est partout, toutes les boîtes, toutes les entreprises là, qui se mettent à foutre des drapeaux. Oh putain! Des drapeaux arc-en-ciel. Oh, ouais, putain. C'est... Ouais. Bon, après, bon, moi je le vois pas trop en tout cas au quotidien parce que je pense pas que ce soit trop pédalisé par chez moi. Mais alors, ouais, peut-être les autres là, ceux qui sont. Dans des coins un petit peu plus au nord, ce serait peut-être... Vous savez qu'ils ont fait à Paris, ils ont fait j'ai plus les termes hein, pour décrire ça, mais ils ont fait une espèce de pseudo-gay pride dans un quartier à Bougnoul en région parisienne. Vous avez pas vu ça? Ah si, ah, si, c'était très marrant. Est-ce c'était pour prouver en fait que les gens étaient... Enfin, que les métèques, enfin, que les musulmans n'étaient pas homophobes en fait. C'est pour, ouais. Alors, voilà, les quartiers... Il devait y avoir plusieurs niveaux de barrières, de sécurité... Des fourgons CRS, etc. Alors, ce qui était marrant, c'est que tu avais évidemment tous les bougnouls qui étaient sur les trottoirs ou attablés aux terrasses des cafés, qui évidemment se foutaient de la gueule des PD. M'étonne. D'ailleurs, très marrant. Et évidemment, les médias n'ont pas filmé ça, à part un. Alors, je ne sais plus de qui il s'agit. Ouais. Le Galou en a parlé de ça. Dans son truc, dans son immédiat. Ouais. C'est très marrant. Et ils ont mis en avant une pédale du Maghreb, mais ah oui, oui, oui, c'est particulièrement caricatural. Je ne sais pas d'où il vient. Si, mais il chiale. C'est pas celui qui se dit complètement victimisé dans son quartier pourri là. Il dit en fait que les Arabes le persécutent. Ouais, je sais pas. Enfin, l'objectif c'était de montrer que finalement. les banlieues françaises n'étaient pas les Songhai plus intolérants que les campagnes profondes. C'est quoi. Ça. Ce qui est évidemment totalement faux. Enfin bon. C'était de démontrer que la dystopie ambiante est durable, est viable. Oui, oui. Moi, j'attends avec impatience la burqa arc-en-ciel. Moi, je sais pas. Hein, je veux dire, bon, là, pour l'instant, ces conneries, ça prend. Enfin, c'est pas que ça prend. Ils peuvent le faire. Mais attendons encore quelques années dans les quartiers ultra salafisés. À mon avis, il va y avoir des stages delta plane sans delta plane. Alors, il y a un truc qui m'a interpellé. C'est que tu sais, il y a beaucoup d'intellectuels, on va dire, qui ont critiqué la fascination des nazis et des fascistes pour la parade et pour les drapeaux. Ouais. Et curieusement, j'ai entendu aucun intellectuel pour dire que finalement, je ne sais pas ce qu'ont les PD avec leurs drapeaux et leur fierté, mais pour moi, ça cache quelque chose de très, finalement, assez malsain. Personne n'a fait le parallèle, c'est marrant. Oui, vaut mieux qu'il le fasse. Pas, quoi, hein. Oui. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, maintenant c'est assumé, en tout cas aux États-Unis c'est assumé. Maintenant, ils mettent des enfants de 7 ans dans les gay pride, complètement grimés, comme objet sexuel. Moi j'ai vu une vidéo qui est vraiment terrifiante, quoi. Je veux dire, un gamin de 7 ans qui remuait son cul, enfin, ayant été dressé malheureusement comme un singe à le faire, un pauvre gosse. Enfin, lobotomisé totalement, 7 ans, 8 ans, vous imaginez, et en train de s'exhiber comme un jeune et faible devant des PD en rut, quoi. Non, je veux dire, non, à un moment donné, il va falloir... Alors, pour l'instant, la situation est comme ça, mais il va falloir qu'à terme, ça s'arrête, quoi. Il va falloir que ça s'arrête, quoi. Oui. Enfin, à un moment donné, il va quand même falloir protéger les enfants, hein. Ouais, parce que bon, on va en arriver où, quoi. Là, l'exhibitionnisme de ces gens, ils poussent. Là, ils vont obtenir la pédophilie. Et puis, ça s'arrête pas, je veux dire. C'est des gens qui ont pas de limite, ouais. Quoi. Ils ont pas de limite, ces gens. Ils vont obtenir la pédophilie, parce que bon, ils vont faire baisser l'âge, parce que bien quand sûr, même, voilà, hein, bon, ils vont baisser un petit peu. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont voir d'autre? C'est vrai que je vois pas trop, je pense qu'ils veulent une libération totale. Le live stream de partout homosexuels avec des gamins. Ouais, je pense que ouais, ça. Ouais. Je dis ça parce que j'ai vu un article là-dessus en disant que ça prospérait de plus en plus. Alors, il y avait la police spécialisée qui menait des enquêtes, qui arrêtait des gens, quoi. Mais il disait que ça se développe à un rythme incroyable. Donc, en fait, je vous explique pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est en gros, il y a un ou plusieurs enfants qui sont captifs quelque part. Il y a des monstres qui les violent, quoi, mais c'est en direct et c'est live streamé. Donc, c'est oui, filmé en direct sur Internet. Quoi. Voilà, et donc vous trouvez ça sur les téléphones portables, sur les trucs, etc. Je ne sais pas si vous imaginez. Et avec la dématérialisation de tout ça, bah, ça peut être fait dans des endroits tellement reculés, si vous voulez. Bon, le contenu, il est... Enfin, les producteurs du contenu sont difficilement atteignables, en fait, oui, mais il y a des consommateurs de ça en Europe, quoi. Et puis, on va pas vraiment les chercher, puisque, bon, quand même... Non. Dans l'industrie des nouvelles technologies, tout ce qui va être Google, Facebook, etc., tu retrouves oui. Tous ces traqués là. Hein, on en a parlé, c'est peut-être pas la semaine dernière ou la semaine d'avant, hein, Google, oui. On fout des... Ouais, on met des protections hygiéniques pour les hommes. Hein. On met des tampons oui. Pour les hommes dans les toilettes. Quoi hein. Oui, ah, bonjour. Excuse-moi, j'ai arrêté un truc. Ah, t'étais, oui, ah, ouais, t'étais pas là, mais en fait... Capitaine. Oui, oui. Il y a des tampons pour les mecs maintenant. Oui, oui, dans les locaux ouais, de Google. Dans les locaux de Google, ouais. Dans les locaux de Google, dans les toilettes pour hommes, tu as des tampons hygiéniques, des tampons. Parce que oui, les hommes aussi. Pour les hommes qui ont leurs règles. Tu comprends, Capitaine ouais, voilà. Donc, ce ne sont certainement pas ces gens-là qui vont aller faire du zèle pour rechercher des pédophiles. Bien sûr que non. Certainement pas. Ouais, et puis en plus, quand le progrès est en fait une finalité en soi, et que tu n'as finalement pas d'objectif à atteindre. À part celle de créer le progrès, je veux dire, tu n'as absolument aucune limite. Hein. Donc, plus le temps va passer, plus ces gens vont vouloir être progressistes, vont vouloir sauter des barrières, franchir des normes, déconstruire. Et alors peut-être que les gens auront un sursaut de décence et vont revenir en arrière, mais si on n'arrête pas les progressistes, il n'y a absolument aucune limite. C'est juste. Messieurs, je vous propose de faire une note musicale et on se retrouve tout de suite après. Посмотри на хромой да на ковы, это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякий соплен. Перед нам не прыгали. Ой, поломаться, поломаться, поломаться хочется. А сказать-то и по правде, и подраться хочется. Это чей-то паренек выдает коленца. Не досталось бы ему осиного поленца. We'll be right back. Nous revoici pour cette deuxième partie de l'émission Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 25. Rubrique numéro 3, la sale gauchiasse de la semaine. Alors, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. C'est un acteur, c'est Jean Dujardin, qui, dans le journal Le Point, est revenu sur... sur OSS 117, qu'on ne présente plus, puisqu'il est, je crois qu'il y a un troisième volet qui devrait être réalisé incessamment sous peu, voilà. Et alors, du coup, il s'exprime à propos d'OSS 117 et du rôle qu'il occupe. Alors, une question lui est posée par le journal Le Point, voici la question et voici sa réponse. Est-ce risqué de jouer aujourd'hui un héros réac et raciste face aux gardiens du politiquement correct? Donc en fait, vous voyez, c'est une question plutôt presque un peu type valeur actuelle, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est facile oui. Réponse. Au contraire, je pense que ce sont des films très politiquement corrects, parce qu'on a déjà creusé le sillon. On sait à quoi on s'attend. Avec OSS 117, on sait de qui on rigole. Un raciste, un idiot, un con, un réac, un candide, un abruti qui enfile les clichés comme des perles. On peut rire de sa connerie, de nos problèmes, de nos réflexes xénophobes. Je symbolise cette France crasse, idiote, basse de plafond. Les gens se marrent d'eux-mêmes. Nous acceptons de rire de nous comme, avec Brice de Nice, j'ai toujours ri de moi. C'est cathartique. Ça fait du bien. Jean Dujardin qui s'exprime et qui résume donc en fait la vraie signification de son rôle dans OSS 117. Qui veut réagir? Fils de pute. Oui, bah, déjà, mais c'est vraiment pervers comme raisonnement. Hein. C'est-à-dire que le type fait des films à succès, il se fait... bon, il devient une star, on va dire. Oui, une star, oui. Ouais, on va dire ça comme ça. Hein. Je ne sais pas si le terme est encore très usité de nos jours, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dégueule sur les gens qui vont voir ça. Alors, c'est même un peu plus que sur les gens qui vont voir ça, parce qu'il dit clairement, il dégueule sur les Français. Oui, sur les Français, c'est-à-dire que sur les... Oui, de race blanche, hein, c'est très, très clairement. De race blanche, idiot, voilà. Con, réac, candide, qui enfile des clichés comme des pères. Xénophobe. Voilà, blablabla, blablabla. La France crasse. Hein, il y a des termes quand même qui sont... Oui, c'est... Bah, on sent le... Bon, déjà, là, moi, j'ai envie de dire deux choses. Moi, je sentais le juif. Ouais. Ouais, je sentais le juif. Bah, c'est le film d'Azanavicius, hein, c'est ça? Oui, Azanavicius, tout à fait. Mais voilà, vice, oh, encore. C'est drôle, c'est des... Sur un juif de... Ça doit être des Pays-Bas. Un gros ça, juif. Ouais, un gros juif. Donc, d'ailleurs, dans SS 117, il y a quand même des... notamment quand ça se passe au Brésil. Alors, c'est marrant, c'est avec un agent du Mossad, alors qui est une gonzesse, machin. Et alors, il s'agit de traquer des vilains nazis, très original comme thématique. Oui. Pour un film réalisé par un juif, c'est quand même très original. Hein. Et donc la scène dans laquelle le nazi est un peu incompétent déchire le drapeau orné de la svastika. Ah ouais. Moi, je sais pas parce que les juifs avaient expliqué qu'ils n'étaient pas si incompétents que ça en fait, les nationaux-socialistes. Oui. Oui, c'est étonnant. Vous pouvez savoir. Hein. C'est mignon ou pas, ouais. Quoi. Alors, il me semble d'ailleurs. Ah, bah, c'est vrai, non, mais ils disent ouais, les nazis, c'est des gros cons, stupides, etc. Sauf que, visiblement, entre 39 et 45, c'était pas si maladroit. Hein. Il me semble que pour le troisième volet, Azanavicius n'a pas rempilé. C'est ça, ouais, il l'a dit. Non. Géré par quelqu'un d'autre. Alors, possiblement parce que, en fait, jouer cette France crasse, idiote, basse de plafond, qui enfile les clichés. Ben ça plaît, tu vois, ça rappelle, c'est pas vraiment qu'on rigole, oui, on rigole pas, on respire, tu vois, c'est... Hein. Oui, exactement. Et le juif, je pense que Azanavicius, il a compris, tu vois, il a, Jean Dujardin, bon, je pense qu'il répète ce qu'on lui dit de dire. Enfin, là, il fait là, c'est clairement de ouais, il a, le rabbin qui lui a filé. Un acteur lit un texte. Hein, donc Jean Dujardin voilà. Lit le texte qu'on lui a filé. Voilà. Tout. Exactement. Donc, Captain bon, voulait dire. Ouais. Vas-y, Captain. Bah, en fait, quand Jean Dujardin dit que ce film est cathartique, et quand on prend la définition stricto sensu de cathartique, c'est qu'on se libère de choses qui sont impures, et donc ça voudrait dire que on rigole parce que via le rire, on arrive à se débarrasser, on se purifie via le rire. Alors qu'en fait, comme dit très bien Derek, c'est pas pour ça qu'on rigole. On rigole parce que ces films-là sont une véritable bouffée d'oxygène. Sous les traits, certes, du très gauche, très maladroit, totalement glandu OSS 117, en fait, on retrouve malgré lui le franchouillard, soit qu'il soit un peu bof ou même, comment il s'appelle, Hubert Bonisseur de la Batte, donc il a quand même... Il a quand même une famille aristocratique. On retrouve quand même le français, quoi, le vrai français, c'est-à-dire le mec qui n'est pas bas de plafond comme ils veulent le portraire, ils veulent faire le portrait de quelqu'un qui est bas de plafond. Au contraire, il est tout simplement brut de décoffrage, brut de pomme. Et pour moi, c'est ça le français. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, bah en fait, c'est-à-dire que le juif, quand il, en fait, le juif a voulu faire le portrait type du français tel qu'il le voit. Donc qu'est-ce qu'il voit? Donc il exagère, il caricature. Donc en fait, il prend les traits, il les grossit pour en faire rire, quoi. Bon, principe de la caricature, bon, vous connaissez ça comme moi. Donc le juif voit ça et il dit, ah, c'est... on va s'en moquer et tout, ça va être drôle, on va le mettre dans des situations, etc. Puis en plus, on va le mettre entre deux os parce qu'il va être face à des nazis. Donc c'est un beauf raciste, etc., qui a des acquis culturels, des réflexes, mais en même temps, il est du bon côté, c'est-à-dire il est du côté du Mossad, notamment dans le film quand il se passe au Brésil, quoi. Et comment dire, il dit mais ça va être drôle, voilà. Et en fait, le public qui est visé par ça, parce que c'est une attaque, il faut comprendre, c'est une attaque psychologique. Les Juifs attaquent toujours le psychologique. Donc ils attaquent le public. Donc d'une façon un peu voilà un peu comment dire indirecte quoi si on veut. Et le public lui il s'identifie au mec. C'est-à-dire qu'en fait il y a pas une distance, c'est-à-dire que quand le juif voit ça, dites-vous bien ça, le juif regarde OSS 117. Lui il rigole au second degré d'OSS 117. C'est-à-dire qu'il dit il en rit, c'est-à-dire ah voilà le beau raciste. Oui, je le reconnais bien, c'est celui que je vois tous les jours. Ouais. Si, comment s'appelle là ce journaliste horrible avec ses yeux de ventouse, en forme de ventouse là. Comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom. On l'a suivi, le Youpin là, mais absolument insupportable. Askoloyoutre. Askoloyoutre, voilà, Askoloyoutre. Bon, Askoloyoutre, il va voir OSS 117, il rigole du français beauf, ça l'amuse. C'est un rire raciste anti-français. Mais les Français, quand ils vont voir ça, en fait, quand il fait une blague raciste, en fait, il s'identifie à ça. C'est-à-dire que ça, le conditionnement antiraciste se craque, et enfin, ah, on peut respirer, ah, on peut s'identifier à quelqu'un qui se permet de dire un truc raciste, par exemple, toi. Mais c'est censé être drôle, un peu inoffensif, voilà. Donc en fait, c'est pas du tout le même rire. Il y a deux rires, là. Il y a le rire de la hyène cosmopolite, pour reprendre le terme de Deleschin. Donc ça, c'est le réalisateur juif. Et puis en fait, il y a le rire du Gaulois qui voit ça et lui, en fait, il rigole au premier degré. Voilà, c'est ce que je pense. C'est pas du tout impossible d'ailleurs que effectivement, Azanavicius soit un petit peu. Il se dit, je suis pas certain en fait que le message soit pris tel qu'il devrait être pris en fait. C'est tout à fait possible. Par contre, Jean Dujardin, lui, lui, il continue quoi. Hein, c'est clair. Hein. C'est tout à fait clair quoi. Mais j'aime bien le fait là, pour le coup, Jean Dujardin, il livre vraiment son fond, il montre vraiment qui il est, donc comme je l'ai dit, hein, parce que les gens ont tendance à prêter des qualités humaines aux acteurs sur la base, en fait, de leur performance dans les films. Les gens ont du mal à dissocier, en fait, tel ou tel personnage de l'être humain qui est acteur et qui a la charge de porter un rôle, quoi. Bah, pour moi, ça, c'est un problème. Marche, quoi. C'est un problème parce qu'on voit qu'en fait, en général, les acteurs sont, humainement parlant, très souvent de piètre qualité, très souvent. Hein. Et alors, quand on arrive dans le champ politique, c'est encore plus souvent catastrophique. En France, qu'est-ce qui... Alain Delon a été correct au plan politique, je pense. Il était gaulliste, mais il a quand même fait comprendre que voilà. Sinon... Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, voilà. Mais sinon, sorti de là... Alors aujourd'hui, j'en parle même pas, quoi. Bah, ça donne ça, Jean Dujardin. Je suis content, je fais des films, je crache sur les Français, c'est vraiment génial, quoi. Super, quoi. Et le type a l'impression d'être utile, quoi. Le type a l'impression d'être utile. Mais bon. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ou pas spécialement? Non, à part qu'on peut mettre le nom de Jean Dujardin sur la liste. Oui. Il va... De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il est... Par contre, je voulais juste rajouter aussi, dans ce qu'il dit, il y a quand même un mépris de classe assez frappant, quoi. C'est quand même un millionnaire. Je pense que maintenant, il est vraiment plus... Ça fait très BHL, c'est vrai qu'il y a quelque chose... Ouais. Oui, bah oui. Mépris de caste. Ouais, c'est très raccord avec l'idéologie française de BHL en 1980-81, quoi. C'est très, très raccord. Nous sommes résolument cosmopolites, etc., enfin... C'est la France d'en bas en fait, ils se foutent de la gueule de la France d'en bas. C'est ça, mais depuis Hollywood. Ouais. Alors en plus, il moque, oui, le racisme, etc. Mais bon, ses petits amis Ashkenaz là, qui lui produisent ses films, est-ce qu'il finance pas un petit peu l'État d'Israël qui explose du bougnoule à coup de F-16? Je veux dire, lui, il trouve que c'est insupportable la France raciste, etc. Moi, j'ai jamais vu les Français. Rouler au tank sur des bougnoules dans les banlieues, pas jusqu'à présent en tout cas, mais il est visiblement irrité, voilà. J'ai pas l'impression que ses potes juifs se comportent de la même façon vis-à-vis de leur état national, hein. Bien au contraire, dirais-je, bien au contraire. Ah, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien parler, Jean Dujardin, pour lui mettre un peu le nez dans la merde. Voilà. Ça fait carrière en crachant sur son propre public, en plus. C'est assez misérable. Hein. Ouais, non, mais il mériterait que le... Oui, le chômage. Ouais, que ça fasse un bide. Malheureusement, c'est que le... Oui, non, même si ça marche pas, si tu veux, tu as le subside français, c'est-à-dire l'exception, voilà, culturelle. Ouais. C'est-à-dire que le fric rentre. Le fric rentre de toute manière, quoi. C'est ce que je disais, tu sais, quand je parlais au début, je disais l'État est partout, il encadre tout en France, etc. C'est vrai jusque dans le cinéma, c'est-à-dire que tu fais une bouse cosmopolite, voilà, bien anti-française, bien grasse, etc. Bon, parfois ça marche pas. Et là, il y a le filet de sécurité fiscale. Voilà. Ça marche relativement peu, hein, en fait, hein, ces films-là. Mais alors ouais, 517, je pense que ça marche. Oui, non, ça oui, ça marche. Mais rends-toi compte que toutes les semaines sortent des films français que personne ne va voir. C'est des gens qui touchent des centaines de milliers d'euros par film au minimum. Sans compter tout ce que touchent les boîtes de production derrière. Hein. Et puis bon, on sait que c'est très très très largement aux mains des Hébreux. Ah oui. C'est du racket, quoi. Hein. C'est du racket pour te faire gober, alors oui. Les travelots, les PD, les. Bah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça c'est typique, voilà. Le 1 et le 2. Comment dire. Là, c'est clair. Enfin, je veux dire, c'est une famille de bourgeois blancs catholiques dont toutes les filles se marient avec des métèques. Oui. Voilà, le message est clair. Voilà. Alors, après, ils disent sous couvert, oui, mais après, c'est plus complexe que ça, parce que quand même, il y a les... Bon, oui, enfin, la finalité, le message envoyé, c'est, voilà, les blanches se font sauter par les métèques, quoi. Et c'est cool. Bon, mais bon. Cinéma cosmopolite fait pour détruire, la conscience des populations autochtones, pour qu'elles se fassent envahir, hein, c'est tout. Hein. C'est tout, hein. C'est ça. Moi, de toute façon, j'assimile ça à des opérations de type militaire. Hein. C'est de la guerre psychologique, hein, de masse. Hein. Ils savent très bien ce qu'ils font, tous ces gens-là. Hein. Voilà. Donc, Jean Dujardin, bon, il peut avoir du talent à titre individuel quand il s'agit d'interpréter un rôle, mais il n'en demeure pas moins une sinistre merde. Tu pues, Jean. Oui, c'est pas le seul. Alors, mes amis, Discussion de la semaine un petit peu là, on va parler du Rassemblement National finalement, puisqu'il y a eu une polémique, on peut le dire, bon voilà, polémique assez vive, qui veut commencer finalement, les hostilités, sur quoi Les bougnous, les bougnous, les bougnous, les bougnous, les bougnous, les bougnous, les bougnous, les bougnous. Bon bref, si vous connaissez pas la chanson, voilà de quoi on va parler. Alors, bon, en fait, c'est le point de départ, en fait, on va dire, c'est, on peut présenter ça comme ça, c'est que y a une tempête face à ceux qui sont, pour moi, légitimement fatigués, disons, psychologiquement fatigués, fatigués par un parti politique qu'on appelle le Rassemblement National, qui existe tout de même depuis 46 ans, qui est d'abord et avant tout contrôlé par une famille, la famille Le Pen, et qui, année après année, normalise dans ce qui est censé être le principal mouvement d'opposition à l'invasion migratoire et à la destruction génétique, raciale, biologique, de la population française, une résistance normalement déterminée à la fois pour stopper cette invasion et ensuite pour l'inverser. J'ai même envie de dire culturel ouais. Également, puisque, ah là, oui. Parce que là on va parler d'Ambounioul, mais on a quand même eu avant Philippette, et normalement oui. Dans un parti d'opposition qui, alors je sais pas si on va pas dire révolutionnaire, mais quand même un parti d'opposition qui devrait être tranché, hein, l'opposition, on a quand même une femme au pouvoir, entourée de pédales, qu'on se redonne même la Madonna PD, sachant le rôle que jouent les PD justement dans la submersion démographique et dans la subversion de la culture traditionnelle de la France, on pouvait déjà se poser la question. Maintenant, c'est vrai qu'en prime, on a les PD, ce qu'il reste de PD, et donc un bougnoul qui vous explique qui est français et qui ne l'est pas. On va y venir, mais ça c'est un point important, parce que Florent Philippot a été exclu du... Alors, déjà, la forme, on peut pas dire ici on portait Florent Philippot dans notre cœur, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ses idées, évidemment, et puis pour ce qu'il promouvait en interne, on le sait. Mais Marine Le Pen a rejeté sur lui la responsabilité complète du lamentable échec du débat du second tour, alors que Florian Philippot n'y était pour strictement rien. Il faut quand même le dire. On peut reprocher la ligne qui a été, on peut reprocher à Florian Philippot la ligne qu'il a impulsée, mais Marine Le Pen était en dernière analyse celle qui disposait des choix stratégiques et plus encore de ce qu'elle allait faire de son débat face à Macron. Bon, tout le monde l'a vu. Moi, je me rappelle très bien des réactions scandalisées de tout. Les militants, y compris les plus lepénistes des militants, tous étaient écœurés par Marine Le Pen. Et c'est Florent Philippot qui a servi de bouc émissaire, le mot n'est pas trop fort. Bon, ça c'est le premier point. Mais maintenant qu'il est parti, et ça, je voulais en parler parce que ce que tu as dit est important, Florent Philippot est peut-être parti, mais la destruction d'un discours cohérent sur la nécessité de protéger la première cellule d'un peuple qui est la famille, ça, c'est détruit au Front National et ça ne reviendra pas. Philippot a fait son travail de destruction avec ses PD, ses mignons. Oui, ça, c'est fait et c'est acquis, je veux dire. Les PD de Philippot, certaines sont reparties, la plupart pas tous. Non. La voilà, plupart. Pas tous. Non. Donc ça, je veux dire, c'est très important. C'est-à-dire que quand le travail de destruction il est fait, vous pouvez vous débarrasser de l'agent qui a détruit, c'est trop tard. Bon. Pourquoi je dis ça ? Maintenant, j'en viens à celui qui nous intéresse, c'est Hossam Messia, égyptien, énarque, encore, donc c'est une manie, de cette autre maçonnerie dont on parle finalement assez peu, qu'est l'énarchie. On a nommé cette personne-là qui va porter la parole des Français qui refusent l'invasion. Voilà. Alors, on va rentrer dans le détail de tout ça, mais c'est lui qui dit en public qu'il combat les islamistes, dit-il, et les racistes. Ah tiens. Alors comme ça, les Français qui sont sidérés de se faire envahir, et qui ont un réflexe de défense raciale, donc ce qu'on appelle communément les racistes, sont à combattre, pardonnez-moi, au même titre que les pires Algériens égorgeurs de blanches. Très intéressante analogie de la part de cet arabe d'Égypte. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça, mais déjà ça commence comme ça. Se faire comparer à des Algériens trancheurs de gorge, moi on me le dit une fois, on me le dit pas deux. Oui, d'autant plus que je tiens à le souligner, nous sommes les indigènes en Europe. Ça a échappé oui. à quelques personnes, visiblement. Ça alors, échappe, on... c'est-à-dire que... Non, excuse-moi, je rebondis sur ce que vas-y, ce vas-y, tu vas-y, dis. Vas-y. Mais ce personnage qui est vraiment bon, une tête, hein, c'est un poème oriental, se permet de donner des brevets de francité c'est ça. Aux autochtones hein, aux, que nous sommes. Non, vous n'êtes pas français. C'est, alors, quand il est gentil, il le dit en français. Quand il s'énerve un petit peu, il l'écrit en arabe. Hein, parce que, c'est la langue maternelle. Nardine Mouk, voilà, c'est... Ouais, c'est ça, c'est... Hein, voilà, c'est tout à fait. Gros bougnoul, hein, c'est très bien, il était narque, hein, il a fait Sciences Po, bon, l'ENA, il a raté trois fois, hein, deux fois, je crois, il est rentré à la troisième, hein, pour l'ENA, c'est poussif, là, ici... C'est poussif, ouais. Et puis, bon, là, ici... Il va dans la réserve militaire, il se grime, il fait le pitre, hein, pour après donner des. C'est le plus français des Français, voilà. Alors oui. Malheureusement, je vais. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, donc on va prendre le temps d'en parler. Mais pour moi, ce type de gens sont beaucoup plus dangereux en fait que l'Algérien agressif de base et même que les islamistes. Que l'islamiste. Bien sûr, parce que c'est... À part l'islamiste qui va te couper la gorge, bien entendu. Mais le salafiste... Oui, là, tu parles du danger immédiat, quoi, du danger physique. Oui, voilà. Mais effectivement... Oui, pourquoi ? Parce que l'autochtone, quand il voit les bannières déployées de l'ennemi, sait à quoi s'en tenir et peut préparer sa défense. Bon. Simplement, on a quand même l'expérience... de ces métèques qui viennent d'Orient, qui s'installent chez nous, qui se mettent à grimer les autochtones, à grimer l'assimilation, parfois de manière assez aboutie, c'est le cas des juifs, et qui vous assurent qu'ils sont plus français que les français. Et au bout de quelques temps, non seulement ils sont plus français que les français, mais ils donnent des leçons aux autochtones pour leur dire comment il faut être français. Et ça va très vite avec eux, ça va très très vite. Donc on a l'expérience de ça. Et, comment dirais-je, ces gens, ce type-là de métèques qui essayent de s'infiltrer, miment, singent, commencent à vouloir prendre du pouvoir, et sitôt arrivés au pouvoir, ils prennent de haut les autochtones, ils disent « toi oui, toi non, toi comme ci, toi comme ça, voici l'ordre, voici... » Voilà. Bon, ça peut être très bien au Parti Socialiste, ça peut être très bien chez Macron, voilà, la République cosmopolite, voilà, on va mettre des nègres, ministres, etc. Macron oui. fait ça très très bien. Simplement, c'est pas la vocation d'une formation nationaliste qui doit s'opposer à l'invasion. Voilà. Je sais que c'est une idée qui paraît complètement délirante, mais la fonction d'un parti farfelu. Anti-immigré... Oui, c'est farfelu. La fonction d'un grand mouvement qui veut empêcher ce qui pointe à l'horizon à l'échelle de quelques décennies. La mise en minorité des autochtones en France, ceux qui veulent enlever ça ne peuvent pas être des Arabes qui prennent de haut les autochtones pour leur dire qui a raison, qui a tort, qui est français et qui n'est pas. C'est une question de décence élémentaire. Voilà. Alors, je ne l'attends pas du Parti Socialiste, je ne l'attends pas du Parti Communiste, je ne l'attends certainement pas des Macronistes. Je vais être sincère, je ne l'attends pas de Marine Le Pen qui est bien trop stupide pour avoir même ce type de considération. En revanche, d'un mouvement qui se prétend nationaliste, même modéré, ça me paraît évident. Alors, disons... je vais vous donner la parole après, mais simplement, je rajoute un petit truc. ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des Arabes au Front National. Donc je ne fais pas semblant de découvrir que le Front National a essayé d'avoir ces Arabes de service, disons-le franchement. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais ces gens-là étaient au second plan, voire au troisième plan. On leur faisait bien comprendre qu'ils ne tenaient pas les manettes, bon an, mal an. Et finalement, personne ne faisait vraiment grand cas de ces gens-là. Là, la grande différence, c'est qu'après Philippot, dont on a parlé, maintenant, on met des Arabes en première ligne pour expliquer qu'il peut y avoir un bouleversement génétique acceptable en France pour peu qu'on donne deux, trois petits gages sur la forme, qui un costard, qui parle français, qui chante Jésus. La Marseillaise. Voilà. Jésus, voilà. Jésus. Et Jésus, mais excuse-moi, oui. Jésus, donc, ça veut dire pourquoi pas Allah, pourquoi pas Allah. Oui. D'ailleurs, le Front National dit, ou l'islam, pourquoi pas, à condition que ça respecte les lois de la République. Bien, très bien, on aura 20 000 mosquées qui respecteront la législation républicaine, on sera bien avancé. Donc, moi, c'est ce que je veux dire, il y a un bouleversement génétique, racial, nous allons être mis en minorité, la principale formation qui s'y oppose, met un bougnoul pour donner des points de francité et pour cracher sur ceux qui sont soucieux de leur intégrité génétique en France. Les Français qui sont soucieux de leur prolongement biologique en France, le soucieux de l'avenir de leurs gosses, blancs. Voilà. Donc, si on met ça en première ligne, non. Voilà, ce que je veux dire, déjà en guise d'introduction. Maintenant, je donne la parole à la capitaine qui a probablement beaucoup de choses à dire aussi. Ouais, alors ce que je voulais dire, c'est que on pourrait très bien imaginer, avec beaucoup d'ouverture et de tolérance, quelqu'un qui n'est pas blanc, qui, pour des raisons, mettons quelqu'un qui est exceptionnellement bon dans ce qu'il fait, genre qui est vraiment un tueur en débat, qui est capable d'amener toutes les idées imaginables possibles et de les faire, faire ingurgiter par l'adversaire et totalement le terrasser. Mais encore faudrait-il que cette personne-là accepte qu'on lui, enfin, ne se pose pas en sauveur en fait, en figure d'autorité, comme tu l'as dit, parce que c'est ce qui s'est passé. L'autre nous parle avec sa tenue militaire de commandant de réserve, parce que le mec était narque, et avec son niveau scolaire, il est forcément officier, il est forcément minimum, il commence aspirant, hein, et qu'après il monte, et c'est pas forcément signe de compétence, mais plutôt de relationnel. Et on a ce mec qui, donc, comme tu dis, donne des points de francité. Je veux dire, imaginons, on a un mec qui est vraiment exceptionnel, mais qui dit, voilà, je sais que moi, je n'appartiens pas au groupe, mais je veux donner toute mon énergie pour que le groupe qui m'a reçu, ce pays, cette culture, continue à exister. Et si ce mec disait, par exemple, et si, ce faisant, je dois un jour partir, je partirai car je comprends que je n'appartiens pas, mais ce que je veux défendre, ce n'est pas ma personne, c'est le groupe en question, c'est ses valeurs, c'est cette identité, parce que si, parce que ça. Donc oui. Capitaine, je te coupe parce que ce rapuant est allé jusqu'à le dire. Sauf qu'il l'a dit entre deux insultes à des Français et deux. En arabe. En arabe et une vidéo. Alors, excuse-moi, hein, où il s'émerveillait à Paris, à cette ville démoniaque, à Sodome-sur-Seine. Lis le tweet en question. Il faut le lire absolument. Attends, parce que j'ai pas fini. Parce que oui. Je sais qu'effectivement, il y a cette vidéo dans laquelle il parle de l'identité chrétienne, parce qu'il est dans la vidéo à Paris, et ça vous pourrez le linker. Mais dans cette vidéo à Paris, qu'est-ce qu'on voit? On voit un peu de blanc, mais on voit surtout des nègres qui marchent, qui déambulent avec des chants nègres. Donc effectivement, on n'est plus dans la culture française. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce Osam Messia, c'est pas véritablement la France qu'il aime. C'est pas ce peuple. Donc le fondement biologique qui a donné la culture et qu'il prétend aimer, hein, cette culture qui est issue du peuple. Ce qu'il aime finalement, c'est le fait de pouvoir avoir son gros cul moite de bougnoul bien installé chez nous dans des conditions qui sont largement supérieures à ce que son pays de débile pourrait lui offrir. Et on en est là en fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir éventuellement des exceptions ponctuelles de gens qui seraient même prêts à se sacrifier personnellement professionnellement ou même aller jusqu'au bout de la logique et dire voilà, moi je veux me battre pour une France blanche et si je dois partir à la fin, je partirai la tête haute car j'aurai aidé les gens que j'aime et cette culture que j'aime à exister dans le futur. Mais c'est pas ça en fait. La quasi-totalité de ces putains de métèques vont vous dire qu'ils aiment la France ou qu'ils sont français, mais ils aiment la France dans laquelle ils sont inclus. Et moi, j'en connaissais un comme ça. Pourtant, un mec qui m'aurait personnellement défendu si je m'étais fait agresser par des Noirs et des Arabes, sans aucun problème. Mais le mec était un métis. Il avait des tatouages. Il me disait, ouais, mais regarde, moi, je suis tatoué, j'ai le drapeau français, machin. Et tout. Oui, d'accord, mais c'est bien. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu vois quoi? Tu vois un blanc ou tu vois... Ben oui, voilà, on revient toujours là. Donc, ces mecs-là vont vous dire qu'ils aiment la France, mais ils aiment... Et il l'a dit d'ailleurs là au Sommet Messia. Il a dit la France n'est pas multiculturelle, elle est uniculturelle, mais elle est multiraciale. Et non, la France, elle est blanche. Alors déjà, là, il y a effectivement, il a fait cette déclaration. Il a dit, moi, je me bats. Il a utilisé le mot bat. Je me bats donc en qualité de porte-parole du Front National, donc enfin du Rassemblement National. Donc c'est à travers lui, c'est le Rassemblement National qui s'exprime. Il dit voilà, je me bats pour la France monoculturelle et pluriraciale. Alors, première grosse erreur, s'il y a plusieurs races, il y a plusieurs cultures. Vous voyez ? Et évidemment, il ne va pas pouvoir le dire, puisque lui-même est racialement allogène. Il ne peut pas y avoir une culture pour plusieurs races. C'est faux. Il y aura une altération du stock génétique du peuple autochtone si vous importez des races étrangères, que ce soit par leur seule présence, c'est-à-dire l'invasion, c'est-à-dire qu'elles vont dénaturer votre environnement immédiat, dénaturer la culture, chasser les autochtones parce qu'ils partent. Je l'invente pas, ça, je veux dire. Le white flight, la fuite des blancs des grandes villes françaises, c'est la démonstration de ce que je dis. Voilà, il ne peut pas y avoir une seule culture pour plusieurs races. Les autochtones se barrent, vous avez déjà de facto deux types d'espaces qui existent, côte à côte, mais qui sont distincts, et les nouveaux espaces ont leur propre culture, leur propre repère culturel, historique, mémoriel, leur propre comportement, je n'ai pas besoin d'y revenir, vous savez à quoi je fais référence. Donc ce qu'il dit est une stupidité sans nom. Et pourquoi dit-il cette stupidité sans nom? Parce que lui, en tant qu'élément halogène, défend sa gamelle. C'est-à-dire que lui, il ne va pas dire « non, non, mais il y a un lien entre race et culture ». Parce que s'il opère ce lien, si on va au bout, oui, il y a des gens qui vont devoir partir si le but, c'est effectivement de préserver ou de faire renaître la culture française. Il ne peut pas y avoir de culture française sans français. Et les Français, c'est ceux qui descendent de français, qui sont sans français. Voilà, c'est pas la compagnie créole, si vous voulez. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont contre ça, d'accord, mais on va les retrouver à gauche, au centre, chez les apolitiques, voilà, les hippies en sandales, etc. Bon, très bien, mais encore une fois... Moi, je parle de catégories concrètes. Donc, déjà, ce qu'il dit est mensonger. Mais il y a quelque chose qui est derrière. Il défend sa gamelle ethnique. Vous voyez ? Donc, ils sont obligés de mentir. Enfin, les types comme lui sont obligés de mentir pour se maintenir et pour se maintenir à un certain statut. Parce que c'est rentable. Oui, oui. Ce type-là, je veux dire, excusez-moi. Il parle pas. Il touche de l'argent, il est permanent du Front National, il a une visibilité médiatique, ça lui faire très plaisir. La presse est revenue quand même abondamment sur les affres internes du Front National en 2017, notamment les histoires de financement crapuleux au Parlement européen, où on apprenait que l'argent des contribuables européens et français était gaspillé dans des petits fours et du champagne. Bon, pendant ce temps-là, Messia touchait 13 000 euros par mois. Oui, et ça... Alors, on a des métèques qui viennent d'Égypte, qui, bon an mal an, se hissent socialement dans l'appareil, machin, et puis une fois qu'ils rentrent dans un parti, en plus c'est pas un militant de 40 ans au Front National, le mec est rentré en 2016. En 2016. Quand ça montait dans le sondage, vous voyez. C'est bon de préciser aussi que son épouse, dont on n'est pas certain qu'elle maîtrise très bien les subtilités de la langue française... Hein, puisque voilà, elle est aussi du même bled que lui, mais arrivée plus récemment. Et c'est donc cette dame est assistante parlementaire de Louis Alliot. Quel traitement, avec quelle compétence, quel rendu, moi je Je m'interroge, hein, je m'interroge grandement. Hein. Cet amoureux de la France, oui, il aime manger. Hein, la soupe est bonne. Donc, si vous voulez, alors ensuite, il y a eu les réactions pavloviennes de bots, de robots de type Messia, qui sont des métèques à face absolument horrible, qui arrivent et qui font exactement la même chose en des termes un tout petit peu moins sophistiqués. C'est, en gros, hein, ils viennent taper sur les Français, les Français de race blanche qui disent « Oh là là, moi l'invasion, ça suffit. Les métèques qui parlent en mon nom, ça suffit. Les métèques qui me donnent des leçons d'antiracisme à la tête d'un mouvement anti-immigration, ça suffit. Là, vous avez des nègres, vous avez des machins, vous pouvez même pas déterminer l'origine, des Algériens qui vous tombent sur leur âme. Mais moi, j'aime la France, moi je suis franc, t'es qui, toi? Tais-toi !» C'est là qu'on voit ce qui se passe. Et là, il y a un truc qui s'est passé. Avec ce phénomène, finalement, cette polémique qui a un peu enflammé les réseaux sociaux sur Twitter, en tout cas ce qu'on appelle la sphère de droite, on va dire, sur ce réseau social, et ailleurs, même sur Facebook, c'est que, et là, je m'adresse à ceux qui soutiennent le Front National, peut-être, et le RN aujourd'hui, c'est pendant très longtemps, les mecs ont cru au discours mariniste, parce que Marine Le Pen disait « Oui, mais on va dédiaboliser sur la forme, mais le fond reste le même. » C'était ça, le deal. Le deal, c'est « On adoucit. On évite ce que faisait Jean-Marie Le Pen, avec des sorties trop dures, voilà. » Non, d'abord, on parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, on parle pas des chambres à gaz, etc. Bon, c'est une stratégie politique, hein, moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut. Bon, l'inégalité raciale, on va pas en parler comme ça en ces termes, etc. Vous allez voir, ça, c'est la formule vers le succès. D'accord. Mais le deal, c'était, ouais, mais en interne, attention, les cadres, on est tous racistes, et les bougnoules, vous allez voir qu'une fois qu'on sera au pouvoir, voilà ce qui va se passer. Bon. Alors, depuis, le Rassemblement National n'est toujours pas au pouvoir. Bon. La dédiabolisation, elle est toujours là. De plus en plus là, on a parlé de Philippot et de son programme familial, intéressant, avec plein de zizi dans les anus. Et puis surtout, on se rend compte à la faveur de ça que, en revanche, la dédiabolisation a tellement bien marché qu'en fait, elle est beaucoup plus vive à l'intérieur du Front National qu'à l'extérieur. Donc en fait, c'est faux. La dédiabolisation qui était censée être un papier d'emballage attrayant pour le quidam plus modéré s'avère cacher quelque chose de beaucoup plus radical à l'intérieur, qui est l'antiracisme brutal, haineux, il suffit de voir les réactions, c'est racisme primaire, haine raciale, qu'est-ce que vous avez contre les Arabes, qu'est-ce que vous avez contre les Noirs, etc. C'était du discours qu'on trouve chez les antifaches, au Parti communiste, dans les années 80, 90, les années 2000, qu'on trouve encore chez eux d'ailleurs. Touche pas à mon pote, la petite main jaune. Ah, mais ils vont la mettre, il faudrait les inciter à mettre la main jaune, ces gens. Hein. Mettez la main jaune. Et un des arguments qui a été utilisé, oui, mais Messia, et c'est ça le truc, c'est qu'ils utilisaient Messia, l'argument pour nous faire avaler la présence donc de Hossam Messia et d'autres colorés du même acabit, alors qui d'Afrique, qui d'ailleurs, c'est de nous dire, oui, mais c'est des alibis pour donner des gages, etc. Mais en réalité, rassurez-vous, le discours en réalité... Il n'a pas changé, c'est juste pour arrondir les angles. Et en fait, vous vous rendez compte donc que le discours a fondamentalement changé, c'est pas de la forme, c'est aussi du fond, et que la composition interne du Rassemblement National a aussi complètement changé, qu'elle n'est pas raciste, qu'elle ne protège pas les autochtones, la substance du peuple français, c'est la substance raciale, ethnique du peuple français, au contraire, elle l'attaque avec agressivité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a pas une... Et donc ces Arabes, en fait... Ces Arabes de service ne sont plus des Arabes de service, ce sont des Arabes de pouvoir. Et ils ont des gens pour les protéger, ce sont les militants du RN. Alors il y a probablement une minorité qui n'est pas d'accord avec ça, mais en gros c'est ce qu'on voit. Donc c'est fini l'époque des Arabes de service, c'est fini l'époque des Farid Smaï qui pouvaient être un peu folkloriques, etc. Voilà. C'est fini ça. Maintenant vous avez des gens qui sont d'origine raciale halogène, qui sont dans une logique de conquête, et qui disent « La France, c'est chez moi, j'y suis, j'y reste, et toi, sale blanc, tu vas fermer ta gueule si ça te plaît pas. » Ça a complètement changé l'équation. Je pense que les gens qui nous écoutent doivent conscientiser ce truc-là. Il y a eu un bouleversement interne considérable en 10 ans. Oui, c'est l'épuration des militants historiques, des cadres historiques, qui avaient commencé en fait, à la scission maigrettiste, hein. qui s'est poursuivi plus tard à l'arrivée de Marine Le Pen. Il ne reste plus grand chose. Plus grand chose. La colonne vertébrale de ce parti, enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Dès qu'ils ont du fric, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dépensent des centaines de milliers d'euros en champagne. Voilà. Ils font des karaokés dans lesquels ils font du zouk, hein, ça va du Frankie Vincent. Ça, ouais. Des centaines de milliers d'euros de champagne jetés Dieu ne sait où. Et voilà, c'est tout. C'est une machine à faire du fric. Et puis c'est là, ça a une rente. Tu as des gens qui sont salariés, qui sont payés. Généralement, les mieux placés ont leur place. Ben, tu as la famille, hein, les cousins, les femmes. Ouais, et puis en plus, c'est par allégeance en plus. Hein. Et on voit bien qu'il y a un népotisme totalement débridé, puisque tu parlais. Moi, je ne parle pas de la vie privée des gens, je veux dire, la vie privée, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais quand, je veux dire, là, tu parles de la femme de Messia, là, c'est statutaire, je veux dire, on lui donne un travail. Oui. Voilà, donc c'est complètement différent. Et ça s'est répété à bien d'autres reprises. C'est public, hein, c'est public. Mais moi, pas une attaque basse, hein, aucunement. Non, mais ce qui était vraiment frappant, c'est le cri du cœur, le réflexe antiraciste profond par les tripes des cadres du FN. Qui ont défendu le bougnoul. D'accord ? Ouais. Et ce qu'ils ont fait sur un bougnoul, ils le feront sur d'autres. Et quand les petits Français seront dans la merde, craignant les foudres et les fourches codines du système, ces types-là diront « Non, non, mais nous, on les connaît pas. » C'est ce qu'ils ont fait depuis un certain nombre d'années avec des militants qui ont été surpris à tenir des propos politiquement incorrects. Bah, on avait eu des Combien de mecs sincères. Alors oui, mais vous comprenez, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Ça n'empêche pas d'être fidèle et loyal vis-à-vis de ses militants. S'il y a un militant qui est pris on dit la communication, faut être propre, etc. Faut pas de saillie, etc. Bon, moi c'est pas ma stratégie, mais je gère pas un parti comme ça, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, etc. Oui, mais la communication, c'est l'externe. C'est-à-dire qu'en interne, tu dois pouvoir avoir une certaine liberté de parole. Ce qui n'est déjà, pas de... déjà, c'est déjà. Absolument pas le cas. C'est du stalinisme. Et voilà, stalinisme antiraciste. Oui. Et on avait eu un courrier, nos auditeurs s'en rappelleront peut-être, de quelqu'un qui avait transité, qui est allé de bonne foi au Front National il y a pas longtemps, il venait d'en sortir, et il avait dit, j'ai vu, j'ai compris. C'est-à-dire que le stalinisme antiraciste au sein du FN, que fait régner notamment Louis Alliot, avec un système de dénonciation systématique de tout Français soucieux du futur de ses gosses, et là je parle au niveau racial, est balancé à la police politique interne, notamment par des rombières, dont certaines, visiblement, ont un goût très prononcé pour les hommes marrons. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Les rombières sont dans l'aile du sud. Sud. Hey, Josiane, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Moi, j'aime beaucoup les noirs patriotes. Voilà, ouais, c'est ça. Non. Monsieur. Peut-être. Je voulais vous dire un truc aussi. Vas-y. Moi, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que ça me fait penser à l'histoire du. Touchez pas mon général. Qu'on avait eu avec. Oui. Je sais qu'à chaque fois, Derrick. Non, mais il a ses raisons. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est tellement. Mais oui. Mais effectivement, on a encore, après l'histoire du général Picmal, qui, je le répète, oui, il a servi à la Légion étrangère, mais il a quand même été aussi très proche du gouvernement Hollande, puisqu'il était en liaison avec eux. On a encore une fois des gens qui ne réfléchissent pas et qui réagissent de façon impulsive, tout simplement pourquoi ? Parce qu'on s'attaque à une espèce de figure messianique. Hein, le mec a été militaire. Alors, on en revient encore au vieux démon français. Hein. On a toujours la Marine Le Pen et Marion Maréchal en Jeanne d'Arc 2070. Maintenant, on a Oussama Ben Oussa. C'est quoi son nom de famille déjà, merde. Messia. Oh putain, les noms de bougnoul, moi j'en peux non, plus. Non mais Oussama. Ça marche très bien aussi. Hein, Oussama. Ah, mais j'en peux plus, tu sais, Brignoles, moi ça me suit, ça, j'en peux plus. Alors, attends, situation. Ce n'est pas un Brignoles, il est chrétien. Attends. Ah oui, oui. Non, mais c'est désolant, je veux dire, il y a eu cet argument-là. L'inculture, c'est-à-dire, oui, non, c'est pas un arabe, il est chrétien. Putain, mais c'est... Oui, voilà, ouais. Oh là là là là là là là. Mais ouais, non, mais les mecs qui parlent des gens, c'est hyper bourrin, quoi. Moi, je pense que dans certaines régions de France, dans certaines villes de France, si tu veux, vu la composition ethnique, si tu veux, ils en sont là. C'est-à-dire que oui. Tout le monde est plus ou moins marron, donc t'en es à distinguer les Arabes parce qu'ils sont musulmans, en fait. Les autres. Bah, même, oui, peut-être qu'il y a certains pays où les Arabes sont des blancs. Parce que reste à Grigny, je pense, quand tu vois un Arabe, tu. Ouais. C'est un blanc, ouais. Oh, bon, bonjour cher ami, quoi. Alors, enfin un blanc. Enfin un blanc, quoi. À la limite, tu lui demandes quel est son prénom en espagnol ou en portugais, quoi. Oui. Et donc, Picmal, oui, parce qu'il faut peut-être rappeler un peu, enfin pas toute l'histoire de Picmal, mais c'est quand même quelqu'un qui s'était fait, vous allez voir, il était parti manifester à Calais contre la jungle, ce truc complètement délirant. Déjà en soi, ça c'était fou, ça. 10 000 clandestins qui avaient formé une ville de fortune, les gens s'en rappellent nécessairement. Oui, venez, il rameute tout le monde, il fait un discours terrible le matin, et puis arrivé face aux flics, le type est embarqué, puis alors, il dit, comment dire, il est en garde à vue, il ressort de là, mais ouais, les mecs, je les connais pas, et puis après, il passe sur BFM, etc. Non, mais moi, je condamne les nazis, c'est de la crapule, etc. Il avait dit que certains membres qui étaient présents, c'était des nazis, et qu'il avait rien à voir avec ça. Oui, surtout, c'était les gens de Riposte Laïque, me semble-t-il. Hein, Pédiga. Péguina, oui, Péguina, c'était non, c'était le jeune Loïc qui avait voulu monter une version française de Pegida, ouais. Et qui était quelqu'un qui avait un bon cœur en fait, mais qui effectivement n'était pas fait pour la politique, et il s'est fait bouffer par Picmal qui est arrivé et qui lui a quand même mis un beau costume. Encore une fois, un beau costume de nazi. Tu vois. Comme quoi, l'antifascisme c'est quand même profondément enraciné. Je veux dire, t'as envie de dire du mal à quelqu'un, bah c'est un nazi, quoi. Je veux dire. Tout à fait. Et moi, si tu veux, pour moi, il y a une analogie qui est faite, c'est-à-dire que je me rappellerai toujours de ces cris de militants. Touchez pas un général. Et les mecs, ils sont limite en train, enfin, ils sont pas en train de se friter avec la police, mais ils sont en train d'essayer de protéger le général qui est en train de se faire extraire par des flics, quoi. Et t'as ce général qui, quelques temps plus tard, après s'être bien fait briefer par le gouvernement, va chier sur les militants qui étaient présents ce jour-là, quoi. Alors que les mecs sont quand même dans leur bon droit, hein. C'est des indigènes, il y a des hors-la-loi partout, même les flics n'en peuvent plus, bon bref. Et là, on a les mêmes couillons, les mêmes éternels cocus de Français qui sont en train de porter au pinacle un Brignoles énarque et qui d'ailleurs ne se privent pas de rappeler aux opposants la présence de ce Oussama Ben Laden. Putain, j'arrive pas avec son père. Ah Ben Laden. C'est pas Ben Laden. C'est ça, quoi. Ils sont en train de dire, ouais, mais vous êtes qui? Lui, il est énarque, il a été officier de l'armée, il en vaut 1 million, des comme vous, bande de branleurs, ouais, arrête ça! Et on va encore avoir un jour, une fois, les mêmes cocus, les éternels cocus de Français, qui vont se faire baiser par la figure autoritaire, la figure qui va se délester des boulets, en fait, hein, une fois qui n'en aura plus besoin. Ok, déjà, c'est ça que je voulais. Ouais, d'accord. Non, vas-y, je t'en prie, si tu veux rebondir. Non, mais si t'avais autre chose que tu voulais dire, vas-y. Oui, il y a autre chose, mais qui me choque dans cette histoire, c'est qu'en fait, on en a déjà parlé, en fait. Quand on est blanc, quand on est indigène dans son propre pays et qu'on est représenté, comme tu l'as dit, au parti qui est censé être le parti principal d'opposition et qui parle d'immigration et que finalement c'est un Brignoles qui arrive au pouvoir et que c'est lui l'autorité, c'est lui qui décide qui est français et qui ne l'est pas, qui mérite ou qui ne mérite pas, en fait, c'est comme c'est un peu comme du porno interracial, en fait. Bon, déjà, le porno, c'est de la merde, parce que, bon, on le donne raison, mais si vous voulez, dans la catégorie porno, le porno interracial, c'est encore plus de la merde. Pourquoi? Parce que on a quoi, en fait? On a souvent c'est aux États-Unis, quand c'est fait, l'interracial, c'est toujours des nègres, en fait. Et des nègres qui baissent des blanches. Et quand on regarde ça, en fait, on a quoi? On a la personne qui regarde le porno, ça, en fait, pas volontairement, mais dans son subconscient, il s'assimile en fait à la blanche et non pas au nègre, puisque de facto, même si il est un homme, il s'assimile à la personne qui a la même couleur de peau. Ça, c'est un réflexe qui est involontaire, c'est psychologique en fait. Ça vient de l'ordre de l'inconscient. Et on est dans la même situation en fait avec le Gounou en tête du RN. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, encore une fois, celui qui va avoir le pouvoir, c'est l'allogène. Et on va devoir courtiser l'allogène. Donc en fait, on est dans une position d'infériorité, de soumission à des gens qui ne devraient pas être là, en fait, qui n'ont rien à foutre ici, et qu'au contraire, on devrait foutre dehors. Et donc pour moi, voilà. Ça, c'est un des arguments qui est utilisé aussi pour essayer de défendre ce genre de tactique. Je dis, pendant très longtemps, on nous a dit oui, mais c'est une tactique. En fait, y a beaucoup de gens qui nous disent oui, vous avez peut-être raison sur le fond, mais soyez un peu malin, mettez un peu d'eau dans votre vin, il faut être un peu tactique. Bon, j'en ai parlé, j'ai dit qu'en fait, il y avait une profonde mutation du Front National là-dessus, mais on nous dit en fait, un blanc ne peut pas dire ça. Donc un Français de race blanche ne peut pas dire ce que dirait un allogène. Et pendant très longtemps, on a dit, ah, Éric Zemmour, il peut quand même dire tout ce qu'il dit, il le dit bien. Non, en plus, je veux dire, indépendamment de ce qu'on pense d'Éric Zemmour, je veux dire, il a quand même une facilité oratoire. Enfin, voilà, ces dernières années, il se répète quand même. Hein, mais je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a une facilité, donc il y a une explication. Mais il y a aussi une grande tolérance de la part de la juiverie médiatique à son égard. Bon, ça, c'est un fait, d'accord. Mais il y a ce qu'on nous dit, on dit, oui, mais il faut qu'on ait des allogènes pour dire nous ce qu'on pense. Voilà. Mais en ça, déjà, c'est une démission. Parce que quel est l'argument ? On va dire, c'est trop dur, et on va prendre des coups, les gens vont nous hurler dessus, etc. En fait, les types ne veulent pas se battre. Enfin, pas tout le monde, hein, mais ceux qui tiennent ce type d'approche, de tactique, ne veulent pas assumer la difficulté de la tâche, quoi. Donc ils délèguent, ils sous-traitent. Donc on sous-traite à des allogènes, en disant, ouais, mais ils vont faire le boulot, mais vous en faites pas, hein, le moment venu. Non, vous sous-traitez. Ouais, la place est prise. Mais une fois que la place est prise, le pouvoir aussi est pris, l'influence est prise. Et vous croyez avoir eu le dessus, c'est vous qui avez eu le dessous. Il y a une histoire formidable là-dessus. C'est toute l'histoire des mercenaires, d'ailleurs. L'invasion de l'île de Bretagne à la chute de l'Empire romain. C'est quoi l'histoire ? Vous avez des luttes internes, et vous avez un roi breton, qui voit des mercenaires germaniques qui se mettent à sa disposition. Et il dit, ah, des bons guerriers, je vais m'en servir, je vais régler son compte à mes concurrents, à mes adversaires, et puis le moment venu, je leur dirai d'aller ailleurs. Hein. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'invasion a commencé comme ça. Pourquoi ? Bah, les auxiliaires, au bout d'un moment, ils en ont eu marre des auxiliaires, ils avaient acquis suffisamment de poids, d'influence, le roi était devenu dépendant d'eux, et il s'est fait abattre par eux. Et ils ont créé comme ça leur première province dans le Kent, puis ensuite progressivement ils ont lancé l'invasion. Mais ça c'est tout le temps la même chose, ça a été pareil avec les Normands, c'est tout le temps la même chose. Donc vous vous croyez malin en sous-traitant avec des Arabes, en disant « ouais mais celui-là il est mieux que les autres », non, c'est la race qui s'exprime, c'est la race. Il n'y a pas d'individu, il y a des races. Les races parlent, les individus disent un truc, ils disent autre chose, etc. Sur la longue durée, c'est les races qui s'expriment. Qu'est-ce que vous savez que feront les enfants de Messia ? On n'en sait rien, c'est pas. Qu'est-ce qui nous dit qu'on peut se convertir à l'islam dans 20 ans, dans 30 ans ? On n'en sait rien. Il n'y a pas de garantie là-dessus. Et d'ailleurs, on peut changer de camp. Hein. Je sais pas, changer de camp entre guillemets. Donc voilà. Et le critère qui a été retenu par Messia, notamment pour légitimer sa présence avec tous les autres, avec le christianisme. Moi, je ne suis pas là pour juger la foi des gens. Chacun a sa foi ou n'en a pas. Donc je ne suis pas là pour dire non, la foi chrétienne, c'est inacceptable. C'est pas le fond de ma pensée. Mais ce que j'observe, c'est que de plus en plus, les bougnoules qui cherchent à se faire une place au soleil ont compris la ficelle de la croix. On va perdre ça de vue. L'histoire des maranes, ça existe. Les fausses conversions, ça existe. De la part des juifs, mais aussi des morts. Et oui, en Espagne catholique, il y a des musulmans qui ont fait semblant de se convertir à l'islam pour maintenir leur position, parce qu'ils ont compris que c'était leur intérêt. Il faut se méfier de ces histoires de religion. Il y en a qui pratiquent sincèrement leur religion, mais c'est pas parce que vous la pratiquez sincèrement que l'autre en face de vous la pratique sincèrement. Vous n'en savez rien. Et vous le savez encore moins sur 2, 3, 4, 5 ou 10 générations. Vous ne pouvez pas miser aussi loin. En revanche, la race, ça vous savez. Donc, Messia nous brandit son histoire de croix pour nous faire avaler des couleuvres. J'aurais quand même aimé, Derek, que tu cites quand même. J'aurais aimé que tu cites le tweet précisément. Et... Oui. Bah, écoute, j'aurais aimé. Bah écoute, si, puisque tu insistes, hein, tweet de Jean Messia, en direct de Paris 6e où, attablé à un resto, je suis témoin d'une procession gigantesque en l'honneur de la fête Dieu. Dieu, hein. La France aux multiples visages réaffirme ses racines chrétiennes. Décris-nous les multiples, parce que sinon on peut pas comprendre. Bah, peut-être qu'on devrait passer un extrait audio, je pense. On passera un extrait audio, oui. Bon, tu as, il doit y avoir presque un millier de types là qui défilent avec des mégaphones, avec des flambeaux, ça bouge son cul, ça bouge ses mains sur de la musique nègre, quoi. C'est des scènes que j'ai pu voir moi en Afrique il y a plusieurs années. Hein, des nègres hurleurs qui se trimballent en hurlant Jésus. Voilà, c'est la France qui réaffirme ses racines. Qui réaffirme ses racines, c'est peut-être pas les mêmes que les nôtres. Bah non, mais c'est celle de Messia, apparemment. Celui, ce Français a visiblement des racines en Afrique que je n'ai pas. Moi, j'ai vu ça en tant que spectateur. Lui, quand il voit ça, il voit la France. Oui, si vous voyez ces nègres là qui se trimballent chez vous, ça vous fait plaisir parce que Jésus, voilà, tout va bien. On a des nègres qui se baladent, en procession, hein, comme des chenilles. Hein, c'est intéressant ça comme avenir. Hein, est-ce que quand ils iront dans les transports en commun, ils sentiront meilleurs parce que Jésus? Non. C'est tout le problème, c'est-à-dire qu'il est temps que la France, enfin que les Français de race blanche, donc les vrais Français, divorcent avec l'idéalisme ambiant, que ce soit l'idéalisme jacobin républicain, que ce soit l'idéalisme chrétien, excusez-moi, hein, il est temps de revenir à la réalité tangible. Dans ce monde mouvant où les catégories, les mots... perd tout leur sens, où les hommes sont présentés comme des femmes, on dit oui mais c'est pareil. Non, revenons aux catégories fondamentales. Un homme est un homme, pourquoi? Parce que biologiquement c'est un homme, notamment en raison de ses parties génitales, idem pour la femme, avec d'autres conséquences au plan de la psychologie, de la structuration du cerveau, etc. Ça c'est tangible, c'est biologique. Il en va de même pour la race, d'accord? Donc non, vous ne ferez pas, comment dirais-je, si vous êtes un Français de race blanche, Mohamed ne sera pas comme vous, même s'il met un costume, même s'il change de prénom. Franchement, l'histoire du prénom, on se court, quoi. Bon, 15 millions, que Marine Le Pen ne peut pas virer. Je rappelle, hein, quand même, Marine Le Pen ne s'est pas engagée à virer 15 millions d'allogènes. Oui, même pas... Criminels, voilà, bon, oui, quand même. Mais sinon, les autres, non. Évidemment, entre le moment présent et le moment où le RN arriverait potentiellement au pouvoir, ils seront 20 millions. Donc, on ne veut pas les virer, on ne veut même pas créer les conditions d'un développement au moins sain pour les 50 millions de Blancs qui vivent dans ce pays en essayant d'impliquer des lois dures, etc., ou au moins d'en proposer, ou ne serait-ce que d'engager un débat qui pose les véritables questions. On ne peut même pas se permettre ça. Bah, déjà, je pense que là, y a un très grave problème. Et donc, pour en revenir à cette histoire de procession et d'idéalisme mal placé, c'est-à-dire que Messia s'identifie à cette meute de nègres et de créatures sorties du tiers-monde qui invoquent Jésus, Bon, on est quand même très loin de la France de Saint-Louis, pardonnez-moi, hein, pour ceux qui sont sensibles à la France chrétienne, médiévale. On est très loin, oui, on est très loin, de, même pas de la France de Saint-Louis, hein, de la France de nos grands-parents, oui. Qui, oui, quand ils font des processions, enfin, quand ils allaient à l'église, c'était, enfin, c'est pas déjà ce que c'est maintenant, avec ces guitares, hein, ces espèces de trucs, avec des mélodies... qui rappelle les chants yiddish, hein, c'est très malsain, hein, ce qui se passe dans les églises. Moi, je ne peux plus me foutre les pieds dans un truc comme ça. Hein. Il me vient des palpitations. Oui, et puis en plus, je risque la tachycardie, quoi. Hein, et sans parler des nerfs. Alors... Mais en plus, je veux dire, c'est de l'inanité. Je veux dire, Philippe de Villiers, vous rappelez de la Jeanne d'Arc du Bénin. Polono-béninoise, là aussi les mêmes arguments, mais oui, la France, oui. Creuset café français. Voilà, ouais, donc ce qui nous attend, c'est Haïti. Moi, je dis qu'il faut revenir à des choses tangibles. On nous parle de Jésus, etc. D'abord, excusez-moi, 95% des Français ne pratiquent pas de religion. N'ont pas de pratique religieuse. Ils peuvent se dire catholiques, ils ne pratiquent pas la religion catholique. Donc, moi, je n'ai rien contre les gens qui croient et qui pratiquent, etc., mais je conditionne ça quand même à du bon sens politique et pratique. Bon, moi, quelqu'un qui me dit « Alléluia Jésus et Haïti, pourquoi pas demain à Nantes ?» Non. Non. Non. Non, voilà. Donc, De Villiers, il peut me raconter toutes les stupidités qu'il veut. Il peut écrire des bouquins sur... Les Francs, Clovis, c'est ça. Mais Clovis était un guerrier germanique qui a imposé sa loi par la force et l'épée. C'est quoi ces histoires de négrettes, de mulâtres, habillés, grimés en jeune homme? Mais c'est quoi? C'est l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous imaginez un truc pareil en Russie? Vous imaginez les Russes se prosterner devant des mulâtres en disant « Ah !» Nos grands héros nationaux, Alexandre Nevsky, etc. Mais c'est à se taper le cul par terre, genre des trucs pareils. Et il y a que des dingues qui ont des rentes, parce que le père de Villiers, là encore, tire les marrons du feu. Regardez comment il accueille le Macron, comment il est mielleux avec le Macron. De toute façon, c'est une famille de fauchetons. C'est une famille de fauchetons, ça, de Villiers. Ils sont comme ça. Encore un énarque. Donc, pour en revenir à ça... ce qui nous attend, si on suit, la République, qui la laïcité, parce que sinon, dans le même genre, on a aussi très à la mode, Zorabitant, la bougnoule de service, encore une fois. Moi, je monte Ménichon, c'est républicain. Ça fait chier les islamistes. Ah ben, on est bien avancé, quoi. On a des beurettes de 60 berges qui montent leur cul pour faire chier les islamistes. En avant la France. Bon, ça, c'est du nationalisme. Non, c'est pas du nationalisme, c'est des beurettes exhibitionnistes qui se donnent à voir, etc., et qui ont visiblement des comptes à régler avec le patriarcat musulman de leur bled. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Si on suit cette pente, ce qui nous attend, c'est le Brésil, en pire, parce qu'on aura l'islamisme en plus. Donc on aura le paradigme racial catastrophique, le remplacement, plus l'islamisme, pour faire des nègres des robots suicidaires. Armés de machettes. Attention! Donc, vous voyez, quand vous regardez le tableau global, si vous prenez Messia isolé dans son petit truc, vous allez dire, oui, mais il n'est pas dangereux, mais associé à tout le reste, c'est dramatique. Oui, d'accord, associé à la... comment dire... à l'inertie que représente la progression de la population halogène, ouais. C'est de la folie. C'est-à-dire que c'est... les gens là, qui sont en train de devenir fous pour protéger leur copain, leur bon bougnoule. On se revoit dans 5 ans déjà, rien que 5 ans déjà. Oui. Hein, on en reparle, vous viendrez pleurer. Hein. Je veux dire une chose aussi, parce que tout ça est guidé aussi pour beaucoup, au nom, comme j'ai dit, du pragmatisme et de la tactique. On nous dira toujours, mais vous êtes trop radicaux, vous êtes trop extrémistes, et les Français ne sont pas prêts à écouter ce que vous dites. Bon, déjà, on n'essaie même pas de leur dire. On n'essaye pas d'aller au clash. Je dis pas que c'est facile. Hein. Je dis pas que c'est facile. Mais on nous dit, voilà, c'est tactique. Bon. Quel est le Graal derrière tout ça? C'est la conquête du pouvoir. Donc, le but, c'est... On nous dit, voilà, on va gagner la présidentielle. Comme ça. Avec des messias, avec des africaines, avec tout ça, la France patriote, les Outre-mer, etc. On va y aller, nous on est responsables, etc. On va prendre le pouvoir, et là, vous allez voir, on va souquer. Moi ce que je veux dire, parce que ceux qui croient qu'on peut faire l'économie de graves difficultés, qu'on peut faire l'économie d'une révolution pour le coup, je dis pas que c'est une promenade de santé, je dis tout l'inverse. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement dur. Mais les gens préfèrent la facilité, alors on leur dit, mais oui, vous en faites pas. Tant qu'on croit qu'il y a autre chose, on perd du temps, en fait. Hein. Voilà, alors, simplement, imaginons le Front National gagne le pouvoir, le RN gagne en 2022. Je dis ça, bon, il gagne. Bien. Ils seront au pouvoir pendant 5 ans. On est sur des changements démographiques qui s'opèrent actuellement sur l'échelle de siècles entiers. Il faut quand même avoir ça à l'esprit. Alors, effectivement, ils peuvent conquérir le pouvoir en 2022. Je ne veux même pas écarter la possibilité. Bien. Est-ce que les ministères vont suivre ces gens? Je ne le crois pas. Je pense que la politique sera sabotée de l'intérieur, premièrement. Est-ce que les médias qui appartiennent aux oligarques juifs que courtise Messia, parce qu'il a dit « Amis journalistes, vous avez vu, en parlant des racistes, hein, ce sont les vrais racistes, aimez-nous, nous ne sommes pas d'extrême droite », bon, toujours la dédiabolisation. Est-ce que ces fameux médias, tenus par les Drahi et autres, est-ce que ces gens-là auront l'envie de soutenir un projet de renforcement de la race blanche en France, après tout ce qu'on a dit, notamment sur le cinéma avec Jean Dujardin, d'après vous? Non. Donc, comme aux États-Unis, campagne permanente pour saboter le peu que voudrait faire Marine Le Pen. Je ne vous parle même pas de la personnalité de Marine Le Pen, ni de ce qu'elle voudrait faire. Au mieux, en plus de toute l'agitation et toutes les violences probables qu'il y aurait dans les rues, du très peu d'allant qu'aurait la police pour faire appliquer ces lois, parce qu'il y aurait une pression extérieure, hein, d'autres puissances extérieures seraient là pour veiller au grain, au mieux, immigration zéro. D'accord? Ok, il n'y a plus un arabe qui rentre. Est-ce que la solution... Est-ce qu'on a la solution? Non. Il y a 15 millions qui sont toujours là et qui ont un solde, qui ont une natalité plus prolifique que celle des Français autochtones. Et je ne parle pas du vieillissement qui est en cours. Bon. Très bien. Bon. C'est le foutoir, l'économie baisse, etc. Bon. Miracle! Le Front National reste au pouvoir pendant 10 ans. Les autres reviennent au pouvoir. Encore plus féroce, encore plus déterminé à s'assurer que plus jamais, même modéré, des Français de souche ne viennent au pouvoir. Vous voyez ? Ils viendraient et ils régleraient les comptes. Et là, ils diraient, là, on va ouvrir les vannes, on va mettre tellement d'immigrés en France, il n'y aura plus jamais une élection gagnable. D'accord ? Bon, moi, je suis pas... Qu'ils aillent, qu'ils montrent. Mais ça se terminera de la même façon, c'est-à-dire en grave violence, en violence raciale, avec des acteurs étrangers. N'oubliez pas qu'il y a des pétromonarchies qui tiennent la France par des accords d'armement et des accords énergétiques, et ces gens-là construisent des mosquées en France. Que ferait Marine Le Pen contre ces gens-là? Aujourd'hui, elle dit « Moi, j'empêcherai les mosquées. » Quand l'armée française lui dira « Nous, on a des contrats avec ces gens-là, il y a des accords, vous les respectez. » Que fera Marine Le Pen? Celle qui se pisse dessus devant une journaliste juive qui aboie un peu trop fort. Vous pensez que celle-là, elle aura les nerfs pour résister? Niette. C'est faux. Donc, les gens qui croient l'illusion d'une sortie par la voie douce de cette crise, se mentent. Alors moi, je préfère dire les choses telles qu'elles sont, de manière lucide, pour pas endormir les gens, et pour qu'ils sachent ce qui va se passer, non pas dans 5 ans, mais dans 50 ans, éventuellement. Il faut qu'on pense comme si on était pour 2050, pas comme si on était en 1950. Là, les gens actuellement qui se trouvent au Front National, et le RN, le Rassemblement National, parlent comme si le but était de construire la France des années 50. Mauvaise nouvelle, ça se passera pas. Parce que les conditions ont complètement changé, le rapport de force est complètement différent, et on ne peut pas remonter le temps. En revanche, vous pouvez dire, on se projette pour 2050. Ça, vous pouvez le faire. Mais ça veut dire de prendre en compte la démographie et de prendre en compte les ennemis qu'on a en face de nous. Et ça ne se réglera pas avec une élection à 5 ans, c'est faux. Tous nos ennemis qu'on voit au quotidien, dans l'administration, dans les médias, y compris dans la police, pour ne pas parler des gauchistes, etc., et des islamistes, des coupeurs de tête, c'est là, ils sont là. Et à un moment donné, quand le clash aura lieu, il faudra bien s'occuper de ces gens. Donc, il faut de la lucidité. Et là, on endort pour des rentes. Oui, et tu es encore gentil, si tu veux, dans ton exposé, c'est-à-dire que tu émets l'hypothèse que l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir n'est pas impossible. Or, elle est impossible. On en a parlé déjà il y a quelque temps par rapport à l'article qu'avait fait Jean-Paul Gourevitch. Pour la prochaine élection présidentielle, il faudra, pour éventuellement qu'il y ait un candidat de droite, un candidat qui ne soit pas de gauche, gagne, il faudrait que celui-ci soit élu avec 60% des voix des Blancs. Bon, ça n'arrivera pas. Ce qui représente en millions de voix, combien ça, comment ça représente 60? Parce que moi, j'estime qu'il y a environ... Je pense qu'il y a 52-3 millions de Blancs, mais là-dessus, il y a des gens qui peuvent pas élire, donc 60%, ça voudrait dire, je pense, peu ou prou, 20-25 millions de voix. Oui, non, mais bon, il faut compter quand même l'abstention, parce que bon, mais même l'abstention, les gens qui ne votent pas ont les mêmes, en gros, les mêmes idées que ceux qui votent, hein, à quelque chose près. Donc, voilà, il faut se dire que, enfin, faut juste voir la chose, 60% de blancs votant à droite, ça n'est pas possible. Vous avez des boomers. Attends, tu dis juste un candidat de droite ou tu dis un candidat. Alors mais non, mais c'est pas là. Je dis qu'un candidat qui ne soit pas de gauche. C'est-à-dire que c'était. Allez, on aura peut-être là Macron c'est le centriste, mais les immigrés votant pour leur gamelle, ce parti-là, le parti des immigrés gagnera toujours. Voilà, que ce soit la droite classique, l'hydro gaulliste qui d'ailleurs n'existe plus hein, maintenant, ou ce qui remplace la droite qui est maintenant le Rassemblement National, ça n'a aucune chance. Et ça n'a aucune chance, pas que l'élection qui est, ça n'a aucune chance pour... C'est fini. La solution démocratique n'est pas possible pour des raisons démographiques. Pour des raisons démographiques. C'est 60% à l'élection prochaine, l'élection présidentielle. 5 ans après, ça sera peut-être 63, 64, 65, et ainsi de suite. Ouais. C'est mort. Hein. Et alors là, vous êtes là à vous... À faire les vierges effarouchées devant votre bougnoule de service, devant le type là que vous êtes content de voir à la télé, dire oui mais madame parlez-moi bien, je suis un immigré moi aussi hein, il faut bien me parler hein, c'est ça qui va vous faire avancer quoi. Ouais bon bah écoutez bah, grand bien pour vous hein, grand bien pour vous, moi ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que Magda ou quelqu'un d'autre veut rajouter? Ouais. Vas-y. En fait, la vraie menace pour ceux qui nous empêchent véritablement de pouvoir proposer des alternatives et éventuellement sauver ce qu'il reste de blanc à sauver, c'est pas les gauchistes, hein. C'est le Rassemblement National, c'est Marine Le Pen, c'est cette famille Le Pen en fait. Et c'est tous les blaireaux qui ont gobé leur connerie de dédiabolisation en fait. Comme tu disais, on est confronté à une situation qui est extrêmement radicale et on ne pourra y faire quelque chose qu'à condition d'être nous-mêmes extrêmement radicaux. Et ça commence déjà par une parole qui elle-même est radicale. Ben, ça commence déjà. Oui, ça commence déjà par être soi-même conscient de ce qui se passe. Les gens là qui sont là, la haine, le racisme, etc. Donc ces gens-là qui votent pour Marine Le Pen. Enfin, ces gens-là, ce sont des débiles. Hein. Ils n'ont rien à la tête. Ils n'ont rien compris. Et c'est ce qu'on disait, il y a quelques émissions, déjà il y a très longtemps, hein, mais les gens nous reprochaient à l'époque de dire oui, vous êtes toujours en train de dire nègre, bonnou, les machins, nanana. Et ouais, mais les mecs, si déjà vous avez peur d'entendre des gens que vous ne connaissez pas hein, dire des mots comme ça, mais jamais vous-même vous allez être radical dans votre propre discours, ou ne serait-ce que dans votre pensée. Et on en revient toujours là. Si on veut gagner, il faut être diamétralement opposé au système qui veut nous tuer. Déjà, il faut refuser le diktat de l'ennemi. Si l'ennemi vous dicte votre conduite et vous dit « Vous ne pouvez pas dépasser cette ligne, vous êtes condamné à la défensive, vous avez perdu. » Or, l'art de la guerre, c'est la manœuvre. Je veux dire, ça consiste à envelopper l'ennemi. C'est le principe de la guerre. Vous cherchez toujours à déborder votre ennemi, toujours. Que ce soit par les méthodes, ou par les déplacements même. Bon, déjà, il y a une aberration intellectuelle. Je veux aussi revenir sur un point. La dimension culturelle des réactions, enfin, générationnelles et culturelles, qu'on a pu voir sur cette histoire-là, c'est qu'en fait, le côté BBR, ouais, notre bon... Enfin, comment dire, ouais, la... Le patriotisme équipe de France, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui le RN, un patriotisme équipe de France, ouais, super, on a nos nègres, mais ils jouent pour l'équipe, quoi, tu vois, c'est pour nous, hein, ils sont présents. Ce truc-là, c'est possible, si vous voulez, enfin, ces gens-là évoluent dans la France des années 80, vous savez, quand c'est presque anecdotique, il y a des immigrés, bon, mais on fait avec, parce que bon, voilà. Ces gens-là, si vous voulez, ces générationnels, ce sont essentiellement des boomers, ou des quasi-boomers, quoi. Ou des quasi-boomers, ce sont des gens qui ne comprennent pas ce qui va se passer. Quand ils vont disparaître, ces gens, qui vont s'effacer progressivement pour X ou Y raison, qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes blancs, français de souche, ouais, à qui on aura dit « Ouais, vous allez voir, Marine, ça va être génial, on va les sauver », ou Marion Maréchal, pourquoi pas aussi. Voilà, vous allez voir. Bon, eux, ils vont se retrouver tout d'un coup dans une France où ils seront progressivement, où ils seront 70%, 60%, 50%. Et je parle même pas des villes ou de certains endroits. Il faut circonstancier, régionaliser, territorialiser l'approche. Il y a des endroits où il y a déjà plus que 5% de blancs, quoi. Bon, ces jeunes-là, quand ils vont l'aider là-dedans, vous croyez qu'ils vont faire du patriotisme BBR? Eh, hey, mon pote Kader, c'est quand même un super type. Il joue bien au handball, il fait gagner l'équipe. Non. Le type, il essaiera de faire en sorte que sa gamine se fasse pas violer à la sortie de l'école, ou que son jeune garçon... s'il est jeune père, en 2040, il essaiera de faire en sorte que son jeune garçon se fasse pas se vendre du crack par une espèce de sale nègre complètement hirsute. Voilà, vous comprenez, c'est ça le futur, ok? Les gens qui nous parlent là sont dans l'illusion. Donc quand je dis qu'il faut être dans la France de 2050, il faut bien comprendre que c'est pas beau, c'est moche. Mais il faut quand même parler de la réalité. Et vaut mieux voir les choses plutôt en pire, histoire de se préparer, que d'embellir le tableau et se mentir. Or, ces gens-là, ils nous parlent d'une France qui n'existe pas. Ils parlent d'une France qui n'existe pas. Et je vais vous dire une chose. Les pontes du RN, avec tout ce qui touche, vous croyez qu'ils fréquentent les bouillous au quotidien? Qui subissent ces gens-là? Je veux dire, quand vous avez eu affaire à cette engeance, vous avez seulement envie de dire du bien de ces gens-là? Mais c'est, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux dire, au minimum, c'est séparation totale. Aujourd'hui, ça c'est un programme qui est réalisable. Hein. On est en train de nous dire, si vous voulez, que on ne peut pas vivre séparément. On dit qu'on ne peut pas vivre séparément. Par contre, le thème de la remigration est très à la mode. Mais en fait, personne n'est sérieux par rapport à ça. D'ailleurs, je voulais quand même dire un truc. Et quand même, Renaud Camus s'est quand même solidarisé de ce bougnoule, quoi. Encore, hein, après Karim Mouchik, voilà. Enfin, il y a quand même des constantes, quoi. On avait parlé de Renaud Camus avec sa liste aux européennes où il avait été jusqu'à ignoblement jeté sous les fourches codines médiatiques la jeune... Ah, j'ai oublié son nom, Fiorina. Fiorina. Il a balancé misérablement aux chiens de la juiverie médiatique. Et ce type est parti se coller, mais se coller physiquement à cet avorton de rat. C'est odieux. C'est odieux. Enfin. Bah c'est une certaine idée de la bourgeoisie teintée d'homosexualité, quoi. Tu retrouves ça énormément chez les milieux de la droite parisienne. C'est les machins qui tournent autour de Jenny Bastier, tout ça. Hein, c'est, ouais. Ah, tout ce milieu-là qui pue le... Ça colle. Oui, qui pue la backroom, hein, teinté de catholicisme. Mais ça pue le juif aussi. Hein. Oui, ça pue aussi le juif. Oui, ça pue aussi le juif, mais ça aime son bronzé. Ah ouais, mais ils ne peuvent pas vivre sans. Hein. Non, ils ne peuvent pas. C'est son nègre hurleur, son bronzé. Ouais. Non, mais c'est... Parce que oui, il n'y a pas que les bots, quoi. Hein, comment ils s'appellent, les bots ouais, les robots, bots ouais. Boomers marinistes, quoi. Tu as toute cette, c'est tous ces péteux là qui se font quand même pas mal de fric parce qu'ils bossent dans des médias, énormément de blé. Hein, ils bossent dans des médias qui subventionnés, hein, bien entendu, même si ça reste. Non, mais Bastien, on sait qu'elle était en bonne relation avec le rédac-chef des Inrecuptibles, qui était une ordure antifasciste, oui. Qui en loose day faisait des blagues racistes sur tout le monde. Rappelez-vous la Ligue du LOL. Oui, voilà, c'est de l'artifice, c'est du simulacre. C'est ça, donc, des gens. Tous ces gens-là se reniflent le cul. Hein. Ils se reniflent le cul, ça fait les mêmes études, ça va dans les mêmes. Ça traîne dans les mêmes cafés. Même revenu. Oui, le même revenu, ça gagne du fric, donc ça vient donner des leçons à insulter les types, les jeunes prolos qui prolos ou pas, hein, ou même de la classe moyenne, mais qui ne sont pas de leur caste. Ça, voilà, ils n'aiment pas qu'on vienne toucher leurs copains colorés, quoi. Ça, un peu comme Jean Dujardin avec son pognon. Oui, sombre merde. Vraiment, vous êtes méprisable, cette droite parisienne là, de cafard. Je vous marcherai bien sur la gueule. Ah, même ces quatre, peut-être. Hein. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se sépare? Non? Oui? Ouais, écoute. Conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Point positif de tout ça, c'est que cette ignoble bougnoule a quand même ressenti le besoin de s'attaquer à des gens, ma foi, qui sont censés ne pas exister, hein, être c'est vrai, aux marges de l'internet, etc. Enfin, voilà, non, malheureusement, oui, on n'est pas. On a beau être aux marges, on a du public, et on a du public chez les sympathisants Front National, plus particulièrement les jeunes. Et donc ça, Messia, il a dû s'en rendre compte quand on a dû poser des questions, etc. Et que pensez-vous d'un tel, d'un autre, etc. Ça a dû revenir plusieurs fois aux oreilles, et il boue, hein, le bougnou. Et bon, ben, au bout d'un moment, quand ça boue, il faut que ça sorte. Et là, donc, gros bougnoul se met à insulter tout le monde parce que. Nardez les mots, j'étais français, nec ta mère. Hein. C'est ça, c'est comme a dit notre auditeur au début, c'est le chimpout. Alors, il avait une expression francisée qui était assez sympa. La chimpanzerie. La chimpanzerie, ouais. Bon, écoute. Exhibitoire ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, enfin bon, faudrait la réutiliser, ça, parce qu'elle est vraiment géniale. Et voilà, oui, parce que bon, s'il a besoin de faire ces sorties-là, c'est que c'est l'antiracisme maladif et stalinien qu'il peut y avoir en interne dans ce parti ne passe pas. Et alors c'est une chimpanzerie. C'est une chimpanzerie extériorisée. Voilà, chimpanzerie extériorisée de notre ami Osam. Osam. Oussama, Ben Laden. Ouais, voilà. Pour que tu saches de qui on parle, capitaine Oussama Ben Laden, hein, c'est de lui que nous parlons. Ah oui, je vois de suite. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? D'accord. Fulbert, non, pas spécialement sur tout ça non plus. Non. Oh, tu dois avoir un avis pourtant. Tu dois avoir un avis quand t'as vu ça quand même. Je sais que t'as suivi. Oui, bien sûr, oui, absolument. Oui, j'ai un avis, mais enfin, vous en avez déjà tellement dit sur la question qu'il m'est difficile de rajouter encore une virgule en plus, quoi. MacDev s'est absenté ou? Non, pas du tout, je vous écoute avec intérêt. La fameuse phrase de Goebbels, on peut à peu près tout dire à un juif, mais à partir du moment où on dit qu'il est juif, effectivement, il se démasque. Et finalement, c'est la même chose pour les bougnoules, on peut à peu près tout leur dire, mais à partir du moment où on leur rappelle qu'ils restent des bougnoules, eh bien, ils se dévoilent et font leur bougnoule. C'est tout. Très bonne conclusion, je trouve. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.